Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Toutes les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les Blancs! Que Dieu vous tue! Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 35. Hein, déjà, ça passe. Je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Consultez notre site internet. Bon, en ce moment, il y a des vieux problèmes techniques, ne vous affolez pas, c'est normal, on est sous grosse pression, mais on va s'en sortir quand même. Démocratie participative.biz. Et j'avais parlé de BitChute, la technologie est un peu décevante, il y a des petits soucis, j'ai trouvé une autre technologie alternative, mais ça je vous en parlerai si je trouve qu'elle est effectivement performante, quoi. Donc ça c'est à voir. Sur ces entrefaites, je vais présenter nos participants de la semaine. Je commence avec Derek qui nous rejoint. Salut Derek, comment vas-tu? Salut Gandalf, ça va. La pêche, la banane. Ouais, tranquille, normal. Normal. J'enchaîne avec Astérix, salut Asté, comment vas-tu? Salut Gandalf, moi impeccable, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien, et qu'on va passer une bonne émission. On va passer une bonne émission. On a Frodon qui nous rejoint, c'est la deuxième fois que Frodon est avec nous, c'est ça, Frodon? C'est bien ça, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Et bonjour à tous nos auditeurs. À nos amis citoyens participatifs. Fulbert est avec nous. Fulbert, comment vas-tu, Fulbert? On a entendu dire que tu reprenais tes travaux dans ta cave. Il y aurait eu une percée. Mais je parle sous contrôle. Oui, bon, bonsoir à tous. Bonsoir, Yandas. Oui, bon, les travaux ont repris. Mais c'est lent. Je suis tout seul, tu vois. J'aurais peut-être besoin de volontaires pour venir agrandir. Ah, pourquoi la demande serait plus forte que prévu pour ta cave Ben, j'ai eu beaucoup d'encouragement, ce qui me fait penser qu'il y a effectivement une demande. Bon, ben, on va regarder ça de plus près. Bah sinon tu fais travailler des nègres et tu leur dis celui qui arrive à m'en construire une correcte c'est le seul qui paiera pas dedans. Travailler un nègre? Mais tu te payes ma tête, Astérix. Bah t'essayes. Il y a une médaille au bout là. Personne n'y est arrivé. Ouais. Gimli est aussi avec nous, salut Gimli. Salut Gandalf, salut les amis. Alors pour la cave de Fulbert, moi je propose de réhabiliter le service du travail obligatoire, ça peut être bien aussi. Le STO. Oui, le STO, oui. Alors c'est pas salade tomate-oignon, hein. Ici il n'y a pas de kebab. D'accord, le STO qui retrouvera peut-être ses lettres de noblesse après avoir été longtemps décrié, hein. Faut quand même le souligner. Trop longtemps décrié le STO. Léon est aussi avec nous depuis Québec. Salut, Léon. Salut, Gandalf. C'est une petite précision, c'est le Québécistan. Ah, ça progresse bien, alors. Ça progresse bien. Et MacDav est aussi avec vous pour l'émission. Salut, MacDav. Salut à tous, chers amis. Il y a la voix douce du charmeur de serpent. Oui, c'est ça. Ah. Vas-y, il faut. Hein. Il faut savoir maîtriser la faune locale qu'on nous importe avec le fouet et la voix douce. Chez toi, c'est assez pollué racialement, je crois. Hein. C'est très diversifié. On a une faune, on a une grande diversité. D'accord, ouais. C'est ce que j'avais cru comprendre. En effet. Alors, sans transition aucune, rubrique numéro 1, autisme radical. Rubrique acclamée, je crois, par la critique. Sujet numéro 1, j'ai bien aimé ça, ça m'a beaucoup plu. Sous l'influence néfaste d'un djinn, Lady égorge une avocate et poignarde 90 coups de couteau un restaurateur. C'est bien ça, c'est du côté de Marseille, si j'ai bien compris. Ah, je... oui. Des djinns du côté de Marseille. Non, c'est... Oui, bah, rappelez-vous, on avait Cabou, qui était Fabienne Cabou, qui la semaine dernière était possédée par un esprit, une force, elle avait dit une force, qui l'avait contrainte en fait à tuer sa fille. Hein. D'ailleurs, je crois que les tribunaux se sont montrés assez magnanimes à l'égard de Fabienne Cabou. Elle a pris 15 ans de réclusion, donc c'est-à-dire qu'elle sera libérée dans 2-3 ans. Quoi. Là, c'est les djinns, hein, pour ceux qui connaissent, l'esprit maléfique de l'islam. Alors, je vous lis quand même cette magnifique histoire. Une histoire française qui pourrait arriver à tout le monde, j'ai presque envie de vous dire. Alors, accrochez-vous, asseyez-vous, enfin tout, quoi. Il avait égorgé une avocate marseillaise et lardé de 90 coups de couteau mortel un restaurateur d'Aubagne. L'homme de 33 ans, atteint, dixit, de graves troubles psychiques, est renvoyé aux assises après que la justice a envisagé son irresponsabilité pénale, a annoncé aujourd'hui une source judiciaire. Lady Sarki avait été mis en examen et écroué 2 semaines après la découverte du corps sans vie de Madame Raymond de Talbot dans son bureau le 30 novembre 2012. Le sac à main, ses bijoux avaient été retrouvés dans la chambre de l'accusé, ainsi qu'un couteau dont la pointe cassée correspondait à un morceau de métal logé dans l'une des blessures de la victime. Donc ce qui vous en dit long, la violence des coups de couteau portés. L'homme avait nié ce meurtre durant 2 années, tout comme celui d'Hassan Shahin, découvert plus tôt le 1er août 2012 dans une mare de sang dans la cuisine de son restaurant à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, donc une couscousserie, je présume. En juillet 2015, Lahidi Sarki avouait finalement à des psychiatres avoir commis ces 2 homicides, se disant ensorcelé et assurant avoir agi à la demande de voix, sous l'influence néfaste d'un djinn, précise-t-il. Il me donne des ordres, me lance des défis. Tu n'es pas capable de tuer, expliquait-il aux experts. Évoquant une schizophrénie paranoïde et un envahissement total de la vie psychique par un délire, 2 collèges d'experts ont successivement conclu à l'abolition de son discernement et du contrôle de ses actes, rendant impossible toute poursuite pénale. Devant la chambre de l'instruction saisie le 21 novembre 2016, en vue de prononcer un non-lieu et un placement dans un établissement hospitalier, l'un des experts affirmait alors que Lady Sarki est l'une des personnes les plus dangereuses sur le plan psychiatrique qu'il a rencontrées. Je vous passe donc les détails suivants. Les miracles du Coran, les miracles de l'Algérie, de la consanguinité algérienne. Je rappelle encore une fois à l'adresse de nos auditeurs, 40% pratiquement de taux de consanguinité avec, en Algérie, hein, avec un nombre absolument invraisemblable de cas psychiatriques plus ou moins sérieux, paranoïa, schizophrénie, bipolarité diverse. Bon, voilà, je vous laisse imaginer et vous renseigner. Bon, Derek, ça te plaira, ça. C'est surtout les esprits, là. Hein. Je crois que c'est Gimli qui avait supposé que c'est l'esprit qui avait tué hein, l'enfant. La dernière fois, c'était un suprématiste blanc. Bah, peut-être que là aussi, le djinn est un suprématiste blanc, parce que c'est le démon qui vient terroriser les musulmans. Hein. Donc, voilà. Peut-être encore une fois, la faute à Adolf Hitler. Hein. Sûrement, même. Et à Jésus et Adolf Hitler, peut-être. C'est une conspiration. Donc, ouais, ce pauvre. Moi, j'y crois. Alors, mais du coup, comment on fait? Parce qu'il faut se garder quand même. De rester dans cette mentalité coloniale qui tendrait à, comment dirais-je, à invalider a priori le rôle des djinns, parce qu'il faut quand même intégrer maintenant le paramètre culturel islamique, hein, donc ça existe, les djinns existent, c'est avéré, ils agissent, le non-lieu a été prononcé, il va être en hôpital psychiatrique, il va peut-être être libéré d'ici quelques jours, je ne sais pas. Bah, il va peut-être retrouver la santé soudainement, enfin en tout cas dans les 6 mois à venir. En tout cas, je note que le djinn savait était familier de la valeur des bijoux, quand même. Hein. Oui. Je le relève. Hein. Mais le djinn n'était pas con, finalement. Moi, je suis à Marseille 2 jours par semaine, vous savez. Et alors, cette histoire de djinn, ça me parle bien. Par contre, il y a une excuse qui, du coup, ne marche plus. C'est l'excuse qu'emploient souvent les bougnoules. J'ai nommé le sionisme, qui commence donc par un C, hein, on est bien d'accord. Là, ça marche plus, parce que Marseille, c'est intégralement la zone anarcho-sidaïque, et c'est-à-dire que même les sionistes n'en veulent plus. Après, bah, ils ont fermé leur consulat, d'ailleurs, les Israéliens. Exactement. À Marseille, il n'y a plus que des Arabes et des anarcho-sidaïques à Marseille. C'est terminé. Mais alors, du coup, l'hypothèse du djinn, pourquoi pas? Mais en fait, pour moi, c'est l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est juste un sale bougnoule, finalement. Ah bon? Oh! Ah! Ah bah, j'y avais pas pensé à ça, moi. Ah non, moi, j'étais resté sur la piste. Putain, il est radical, le petit nouveau, là. J'étais resté sur la piste suggérée par notre ami Derek. Moi, le djinn envoyé par Adolf Hitler, ça me paraissait beaucoup plus probable. Astérix, t'étais... Moi, je suis surpris de voir le docteur Lady opérer de cette manière. Quoi. Non, mais... Ah bah, attention, hein, la fraise, ça peut mal terminer. Tu vois, ça peut... Bon, c'est... Faut savoir manipuler, quand même. Non, mais moi, je pense que l'avocat pourra dire qu'effectivement, le djinn semble être assez intelligent, semble être assez rationnel, puisqu'il pense quand même, à l'or, quoi. Donc, il pense quand même à l'argent. Ce qui pourrait démontrer que le djinn est blanc. Donc, moi, ce serait mon axe de défense pour prouver que le djinn est un suprémaciste hitlérien, quoi. Sa rationalité dans l'action. Alors, Léon, et ensuite on aura Frodon. Eh ben moi, j'y crois pas à cette histoire-là. Ça me semble tellement fake news. Écoutez, là, on a un musulman. Est-ce que l'article précise quelle sorte de gin? Gin fizz, dry martini, gin and tonic, rien. Alors, c'est impossible que ça se soit passé de cette manière, puisque tout le monde sait que les musulmans ne boivent pas d'alcool. Donc, pas de gin dans l'histoire. Par contre, pour le meurtre et le vol de bijoux, je dis pas. Ouais, peut-être passablement agrémenté de speed ou quelque chose comme ça, parce qu'il crache pas là-dessus non plus. Voilà. Il crache pas là-dessus. On avait Frodon qui voulait réagir aussi. Frodon, bon allez, vas-y, essaye de nous sauver un peu Lady là. Bon, quand même, quoi. Ouais, j'ai plusieurs points sur les djinns. Ça me rappelle qu'il y a une semaine, j'avais vu sur Twitter un professeur musulman qui expliquait, un petit peu comme le breton qui expliquait que quand on écoutait de la musique, on se transformait en cochon. Celui-là, il expliquait calmement, tranquille, hein, vraiment posé, que si les femmes sortaient dans la rue sans être voilées, un djinn allait tomber amoureux d'elles et qu'il allait la pousser à faire n'importe quoi. Ah oui, j'ai vu ça. Donc là, bon, ben... Voilà, le type, peut-être il est tombé sur un djinn PD qui est tombé amoureux de lui et qui lui a fait faire n'importe quoi, on ne sait pas. Oui, autre j'ai vu chose, ça, effectivement. Ouais. Autre chose, c'est sur la remarque de Gimli qui disait que dans le cas du djinn, ça peut pas être un sioniste. Et je m'excuse, hein, Gimli, mais y a un djinn qui est très connu, c'est peut-être le djinn le plus connu de tous et qui est sioniste, c'est le djinn Lévi. Lévis. Ah, ils sont plusieurs en plus alors. C'est parce que c'est le djinn de Lévi, c'est apostrophe S. Voilà, bon, alors, voilà, les djinns sévissent, méfiez-vous. Et puis, alors, ils sont irresponsables devant la loi, donc c'est dommage pour votre gueule quand même. Ouais, il va y avoir une jurisprudence, hein, ça va être bien. Tu es possédé par un esprit, tu es métèque. Pas de problème, bon, ça va. Ça va être dans le code pénal, si tu veux. Ça va être, y aura une ligne, on va dire. Ouais, y aura le cas traité si vous êtes possédé par une ligne. Quelqu'un a pensé à consulter un gynécologue? Ah bah lui... Non, mais là, je crois que le cas est réglé pour notre ami. Je passe au sujet numéro 2 de la... Ah, c'est bien, ça aussi, c'est bien. Enfin, c'est bien haineux. Alors, je voyage, nous voyageons, nous prenons le bateau, nous traversons l'océan Atlantique, nous arrivons dans les Caraïbes, où ce qu'il en reste, ces îles paradisiaques jadis. malheureusement pollué par la présence nègre, hélas. La catastrophe naturelle que la plus... Oui, voilà, dont on ne se relève jamais, j'ai envie de dire. Oui, hein. Voilà, alors donc, d'ailleurs, Cuba ne s'en est jamais relevé, Haïti s'en est jamais relevé, bon, aucune n'en s'en est jamais relevé. Mais, attention, ça c'est le point de vue que nous formulons, mais comme nous sommes des racistes blancs, et que par définition, nous sommes illégitimes pour parler de ce qui se passe aux Caraïbes, et deuxièmement, notre point de vue est nécessairement faussé, je donne la parole à quelqu'un qui, lui, sait de quoi il retourne. Je fais bien évidemment mention d'Elie Domota. Elie Domota, vous connaissez ce sale négro communiste, enfin communiste, entre guillemets, syndicaliste qui agit sur ces îles. Vous connaissez pas, non? Quoi c'est le roi nègre. Oui, enfin c'est surtout celui qui te... Oui, c'est le mec qui te délaisse de ce que t'as dans les poches, surtout. Oui, alors, c'est le roi nègre, c'est ça. Oui. Alors, voici ce qu'il nous dit. Il nous dit « On se focalise sur les pillages pour ne pas voir la réalité coloniale de Saint-Martin. » Ha ha ha ha. Et ouais, c'est expliqué en toutes lettres. Alors là, je cite notre ami. « Ce cataclysme fait en effet ressortir les disparités... » Je le cite, c'est lui qui s'exprime. Hein. « Ce cataclysme fait en effet ressortir les disparités sociales graves qui existent à Saint-Martin. La population de cette île franco-hollandaise, voisine de la Guadeloupe, est très diverse. Mais si on veut résumer sur le plan social... Vous avez une grande, je devrais le faire avec l'accent, mais je ne le ferai pas, une grande partie de la communauté noire qui vit dans la pauvreté, dans l'exclusion, et une communauté blanche, principalement composée d'Européens, oui, ça paraît logique, et de Français qui, eux, vivent plutôt bien. La situation qu'on retrouve à Saint-Martin est une situation coloniale du même type que celle qu'on retrouve en Guyane, par exemple. Sauf qu'à Saint-Martin, ces inégalités sociales sont démultipliées. Le chômage des jeunes est plus fort, la misère plus répandue, voilà la réalité de Saint-Martin. La réalité coloniale de Saint-Martin se prolonge dans la façon dont les médias nationaux traitent cette information. Les télés nous montrent une communauté blanche apaisée, raisonnable, et de l'autre, des noirs qui dévalisent les magasins. Les pillages, il y en a. Ce sont des choses qui arrivent dans ces circonstances où les gens n'ont plus rien et sont abandonnés à leur sort depuis une semaine. Mais ça n'arrive pas qu'à Saint-Martin. À la Nouvelle-Orléans, les supermarchés ont été pillés. Pareil à Houston, au Texas, il y a peu, dans la partie néerlandaise de Saint-Martin. Il y en a eu aussi. Le phénomène est sans doute amplifié par le fait que les secours ont mis du temps à arriver. Si on avait prépositionné des vivres et de l'eau en Guadeloupe, je pense que les gens auraient pu être ravitaillés plus rapidement et seraient sans doute moins exaspérés. Alors je ferai observer, juste en premier point, qu'effectivement il y a un fil conducteur entre la Nouvelle-Orléans, Houston, le Texas, les pillages qui ont eu lieu et Saint-Martin, c'est que ces trois endroits sont peuplés de nègres. C'est quand même assez étonnant. Moi c'est ce que j'avais remarqué, je me suis dit, tiens, là il y a peut-être quelque chose. Et alors le colonialisme aussi, il nous a dit voilà, c'est quand même scandaleux, il y a des différences sociales qui sont fondées sur le racisme, hein. Si les nègres sont pauvres c'est à cause du racisme. Alors je prends les réactions, j'ai MacDav qui tout de suite là s'excite, là il veut régler des comptes. MacDav, je t'écoute. Bah oui, parce que moi je suis d'accord avec lui, parce que quelque part sans un état blanc il n'y a pas de Saint-Martin. Il a raison le nègre. La population de Saint-Martin elle a été multipliée par 5 depuis 1980. Pourquoi ? Parce que l'État français y a amené des subsides. Donc il y a effectivement amené des fonctionnaires blancs qui sont payés en conséquence. Mais ce sont les blancs métropolitains qui payent ces fonctionnaires. Et qui payent indirectement pour la multiplication de ces populations sur place. Oui. Qui viennent, qui sont alléchés par les conditions de vie qui sont quand même assez bonnes dans l'île, qui sont meilleures que dans certaines îles voisines. Donc il n'a pas tort. Mais sans le blanc, hein, il n'y a pas de Saint-Martin. Ça n'existe pas. Les nègres sont... sinon, ça devient Haïti. Donc moi, je suis assez d'accord avec ce nègre. Je suis pour la décolonisation totale des îles à nègres. Il faut quand même rappeler que le nègre n'est pas... il n'est pas indigène là-haut, hein. C'est pas une espèce, endémique, je crois. Ben, en fait, le truc là, oui, effectivement, il y a ça. Lui, il dit on est dans une situation coloniale. C'est faux. C'est-à-dire que le nègre est un colon, au même titre que le blanc. Alors, malheureusement, les blancs l'ont importé là-bas, c'est une réalité, bon, voilà. Mais c'est une espèce importée, le nègre, dans les îles des Caraïbes. Hein. C'est pas une espèce indigène, au même titre que le blanc. Donc quand lui dit On a une situation coloniale. Non, ce qui veut dire, c'est oh, c'est méchant, les blancs nous dominent. Mais pourquoi ils dominent les blancs? C'est parce que les nègres, ils n'ont pas un poil dans la main. Ils ont une queue de cheval dans la main, les nègres, là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne branlent rien, sauf du trafic en tout genre, de drogue notamment. Et les mecs disent, oh ben là, les blancs, les Européens, ils ont de l'argent, là, c'est pas normal. Donc, en fait, ils veulent faire les poches. Moi, je me rappellerai toujours de ce type-là, lors des émeutes dans ces îles à nègres, là, en 2009. Ils avaient fait, je sais plus, ils avaient semé le chaos un peu partout. Et alors, Domota, il se met le bazar avec ses syndicats de nègres marxistes, donc c'est-à-dire bon, enfin, de racketteurs professionnels nègres qui veulent l'argent des blancs. Et alors, il avait dit... alors, officiellement, il est indépendantiste, hein, officiellement. Et alors, bon, bah, la grogne avait sérieusement monté en France. Et puis au bout d'un moment, il y avait... Je sais plus quel média s'était amusé à lancer le truc. Est-ce que vous seriez pour ou contre l'indépendance de ces îles, quoi? Et alors, en fait, ça faisait... Je ne sais pas combien de semaines que le truc était lancé, donc effectivement, le truc, la thématique avait commencé à prendre dans l'opinion publique, et on avait... le sujet commençait à devenir sérieux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait vraiment des gens qui disaient « mais il faudrait peut-être bazarder ces îles qui nous coûtent une blinde ». Ça coûte, la Guadeloupe et compagnie, la Guadeloupe, ça coûte 2 milliards par an, hein, 2 milliards d'euros par an, vous perdez, c'est de l'argent, vous les foutez en l'air par la fenêtre, voilà, 2 milliards, hop, les nègres vous disent pas merci. Sans compter les emplois réservés dans la fonction publique. Bien sûr. Dans toutes les préfectures de France, tu as du nègre indolent qui vient de Guadeloupe. Hein. Effectivement. Et alors donc, on lui pose la question à Domota. Indépendantiste revendiqué, révolutionnaire communiste, luttant contre la situation coloniale. Et, bref, vraiment l'avant-garde en fait du réveil des peuples. Hein. Alors on lui pose la question comme ça, à blanc. Hein. Et le type s'est décomposé. Il dit, attendez, pas du tout question de parler d'indépendance, c'est pas la thématique. Tu vois, il s'était complètement effondré en direct, quoi. Et il était même inquiet, en fait. Ça se voyait sur son visage. Il était, il sentait que le truc allait trop loin, en fait. Il s'est dit, putain, merde, le blanc veut vraiment lâcher, là. Il est plus du tout intéressé. Alors tout d'un coup, je pense que tout d'un coup, l'image d'Haïti a commencé à se dessiner un petit peu dans sa cervelle de primate. Là, il s'est dit, le banane terminé. Et là, il s'est dit, oula, là, il a dit, non, on va pas quitter la France, on veut des meilleures conditions sociales. Et là, voilà. Et alors là, ce mec, c'est là que cette escroquerie de ces. C'est exactement comme Taubira. Taubira, officiellement, est une indépendantiste guyanaise. Bon. T'es ministre de la Justice. Bon, des indépendantistes comme ça, si vous voulez, il n'y a que des nègres pour nous pondre de l'indépendantiste comme ça. Ça n'existe pas, des trucs comme ça. C'est du racket. C'est du racket tribal. Et ça marche. Objectivement, ça marche très très bien. Les mecs disent, retenez-moi où je fais un malheur, retenez-moi où je vais déclarer l'indépendance. On leur lâche des billets. Eux, ils s'amusent parce qu'ils savent très très bien, ce que ça veut dire l'indépendance pour eux. L'émancipation des blancs, pour eux, c'est immédiatement le retour. Ben, on l'a vu à Saint-Martin d'ailleurs. Ça se convertit en 24 heures en retour à l'état primordial du nègre, c'est-à-dire l'état qui existe en République démocratique du Congo, vous m'arrêtez pas, on se balise, quoi. C'est en 24 heures. Pas en 1000 ans, hein, pas en 100 ans, pas en un siècle, pas en 3 ans, c'est en 24 heures. Et ils le savent, voilà. Donc c'est ce que j'ai un peu envie de dire à Domota, qui par ailleurs n'est pas un colonisé, hein, c'est un colon, au cas où il l'aurait oublié. Qui veut réagir là-dessus autrement? J'ai Léon, là. Eh ben, j'ai fait une petite recherche et j'ai découvert que Mota veut dire quelque chose. C'est la maladie oculotricho-anale. Oh. Je crois que ça en dit long sur le personnage. D'accord. Qui d'autre sur ce colonialisme insupportable pour les finances publiques, d'ailleurs, des prolétaires blancs? Qu'est-ce que... Non? Rien de spécial? Je vais revenir sur les richesses de Saint-Martin. Que nous pirons. Alors, on n'est plus autant des îles à sucre, hein. On ne fait pas bosser les nègres là-haut. On les fait juste se reproduire, comme je le disais tout à l'heure. C'est eux qui font bosser les blancs maintenant, tu l'auras remarqué. Oui, effectivement. C'est exactement ça. Maintenant, tu as tout à fait raison. C'est le cas en France aussi. Hein. Je veux dire, le nègre est quelque part, grâce à l'État français, une manne pour le travail. Le travail social et compagnie, le travail très productif, hein, le travail dont rêvent de faire les blancs intelligents, à Haïti. Mais même le tourisme, en fait, sans les blancs, c'est pas possible dans ces pays, entre guillemets, paradisiaques. Regardez un peu Haïti. Haïti pourrait être... on pourrait y faire du tourisme. Mais s'il n'y a que des nègres, c'est juste impossible. Sinon, c'est pas vivable. Donc, il n'y a rien, en fait, à Saint-Martin. Le tourisme, il est là parce qu'il y a des blancs. Sinon, personne n'y va. Pourquoi aller à Saint-Martin, te faire bouffer par les négros? Totalement. Alors, il y a, comment dire, les Caraïbes pourraient être magnifiques, simplement, s'il n'y avait pas de nègres. Et de métèques, en gros. Si c'était que des peuples de blancs, ce serait probablement un des plus beaux endroits de la Terre. Je veux dire, ce serait développé, ce serait calme, pacifique, ce serait beau, quoi. Ce serait un vrai paradis. Malheureusement, c'est peuplé de nègres, feignants comme pas deux, et criminogènes. Bon, ça, c'est la réalité. Donc, je propose, vite fait, une réflexion. Quel futur pour les Caraïbes françaises? Je propose une solution radicale. La décolonisation des Caraïbes. La décolonisation intelligente des Caraïbes, c'est-à-dire le retour intégral des nègres en Afrique et le maintien total des blancs dans les Caraïbes. Voilà ce que je propose. C'est à prendre et pas à laisser. Hein, donc ils n'ont pas le choix. Voilà. Alors, ça, c'est un programme. Et du coup, formidable, le panafricanisme s'y retrouve, je pense, totalement. De Mota, moi je le... Voilà. Je le lâche quelque part en Sierra Leone, là-bas, je le fais cavaler. On s'y fera. Hein. C'est vrai que bizarrement, ces représentants des Noirs en souffrance hein, parmi les Blancs, il n'y en a jamais eu un qui s'est dit tiens, on va peut-être rentrer à la maison en Afrique. Quoi. Non, c'est bizarre. Hein. Et alors, ils ont. Non, j'allais dire, lui, j'ai pas vu sa gueule, mais j'ai remarqué aussi que les défenseurs de la cause nègre sont souvent mais obèses, quoi. C'est des gras tripes, quoi. Et ça paye, hein. Apparemment, ça paye, quoi. Eux, le négro famélique qui crève la dalle, c'est loin derrière eux, quoi. C'est sur le petit écran au journal de TF1, quoi. Alors, ouais, le nègre, dès qu'il est hors d'Afrique, il est obèse. Hein. C'est un dogme religieux établi par le pape Pie V. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, tous ces nègres qui passent leur temps à chialer, il suffit de regarder leur... à tout point de vue, il suffit de regarder leur présence dans le monde occidental, c'est là où ils se portent le mieux. C'est pas en Afrique, hein, c'est au milieu des Blancs. Donc, ils sont persécutés, comme vous le savez. Et puis surtout... toujours en lien avec les émeutes de 2009, il y avait eu à l'époque il y avait la chaîne France O qui a fait un tel bide, ils l'ont fermé depuis, mais il y avait France O pour Outre-mer, hein, France O, dans laquelle justement à cette occasion-là, on avait eu mais une cohorte de mais alors, ils sont de toutes les couleurs, tu vois, parce qu'ils sont mélangés, mais ça se frappait la tête contre les murs. On peut même pas définir les types, il y en a qui sont rouges, d'autres qui sont gris, vraiment c'est indéfinissable et ils sont particulièrement laids. Alors d'abord il faut savoir une chose. Ils sont tous ultra-racistes les uns entre les autres. Parce que quand ils arrivent en face du blanc, alors ils font mine de se positionner comme les héros de la négritude, c'est du flan. Ce sont tous des ultra-racistes. Pourquoi ? Produit du métissage, ils savent très bien, ils comprennent mieux que quiconque tous ces nègres des îles, étant plus ou moins métis avec des blancs, ils sont plus ou moins élevés dans la hiérarchie parce qu'ils ont plus ou moins de capacité... par rapport à leur vraiment par rapport au bas de la hiérarchie, c'est-à-dire les nègres en fait. Donc la hiérarchie sociale dans ces îles est une hiérarchie raciale. Et ce n'est pas un truc qui est décrété par la loi, c'est un truc qui est décrété par la race tout simplement. Ce qui les rend fous, mais c'est la vérité. Et ils sont d'une haine les uns envers les autres, c'est stupéfiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus raciste envers un nègre de Guadeloupe qu'un café au lait de Guadeloupe. Ça, c'est la réalité. Tu vois. Ce qu'ils ne diront jamais, évidemment, quand ils vont parader à Paris, ces espèces de sauvages. Alors, à l'occasion des émeutes de 2009, ils nous avaient ramené les intellectuels des îles. Hein. Et alors, ils étaient en train d'expliquer le truc. Et alors, à cette occasion-là, ils étaient en train de chanter les louanges de la République, évidemment. Parce qu'ils savaient très bien à qui ils devaient le pognon avec lequel ils se gavaient. Alors ils avaient dit c'est formidable, comment dirais-je, Aimé Césaire avait demandé la départementalisation, c'est extraordinaire, c'est bien la preuve que la France faisait un pas vers l'universalisme, que, que l'avenir de la France était le métissage, mais c'était de la merde intégrale de nègres et de café au lait pour te faire les poches. Et ils emballaient ça avec un discours, mais vraiment racial, d'extermination des Blancs. Parce qu'ils savent très bien, en fait, qu'au-dessus, il y aura toujours les Blancs, quoi. Et à cette occasion-là, bien loin de pousser au séparatisme, ils avaient dit à quel point ils se retrouvaient dans la République, comment elle était généreuse, et ça apportait la richesse de ces îles, etc. Donc voilà, hein, je veux dire, la duplicité de... Enfin, c'est pour souligner, en fait, le formidable parasitisme de tous ces métèques qui viennent de ces îles en France, qui a commencé à partir des années 50-60, d'ailleurs sur la décision d'un certain Debré, dont les origines rabbiniques ne sont plus à démontrer. Hein. En fait, il y avait eu des troubles dans les îles, ils ont dit on va les faire venir en France. Et c'est pour ça que vous les retrouvez à tous les coins de rue à Paris, vous les retrouvez dans la police, vous les retrouvez dans les douanes, vous les retrouvez partout. C'est précisément pour ça. On les a importés là pour qu'ils foutent la paix, parce que là-bas, ils n'arrêtaient pas de foutre le bazar. Alors et... souvent en France, on a un espèce de... Parce que c'est toujours pareil, tout est relatif, et c'est vrai qu'on a souvent du mal à comprendre le problème qui vient des Caraïbes, parce que c'est vrai que le nègre des Caraïbes, à côté de l'Africain subsaharien, à côté du Somalien, c'est vrai que c'est souvent bien plus facile d'interagir avec. Il y a quand même, comme le disait Gandalf, il y en a beaucoup avec un peu de semblant. Quand on se penche un peu sur le problème, sur leur comportement, l'influence qu'ils ont en France, à quel point ce truc nous pourrit et tout, c'est vraiment pas à négliger. Hein. C'est une merde pas possible. Hein, Totalement. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont le fer de lance de la question de l'esclavage. C'est pas le tocard qui vient du Mali, je sais pas. Hein. C'est pas ces gens-là, c'est ces mecs des îles qui squattent dans les trucs publics, notamment dans les médias, qui sont un peu les nègres de service, faire valoir de la gauche notamment. Et alors eux, parce qu'ils savent, c'est un petit peu, je dirais, le décalque des juifs. Les mecs, ils arrivent, ils disent esclavage, l'argent là, hein. Tout de suite. Hein. C'est comme ça qu'ils sont, ces mecs-là. Et Taubira, c'est la caricature de cette saloperie haineuse, quoi. C'est vraiment ces gens-là, quoi. Mais ils sont haineux, et surtout, ils crèvent de jalousie. Mais ils en crèvent, ça les tenaille, quoi. Et comment dirais-je, et cette gauche idiote qui déroule le tapis rouge à tous ces gens-là, mais qui sont d'un racisme exacerbé. Parce que pour eux, la police du métissage, c'est jamais qu'un faux semblant. Il s'agit simplement de camoufler le projet qui est de génocider les Blancs. Je trouve qu'ils sont très très proches des Juifs en ça. Des activistes communautaires juifs qui utilisent notamment l'Holocauste à des fins politiques. C'est exactement la même chose avec l'esclavage. Et ça vient exclusivement des îles pour l'essentiel. Les nègres qui viennent vraiment d'Afrique, etc., ben, ils viennent se greffer là-dessus. Mais, d'ailleurs, même entre eux, les Antillais détestent absolument les nègres d'Afrique. Hein. Ils ne peuvent pas les voir, hein. Ils ne s'entendent pas. Hein. Quelqu'un veut... Il y avait Léon. Ouais, Léon, tu veux rajouter quelque chose, peut-être Non. Attends. Là, voilà, vous avez les Haïtiens. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ben, nous, au Québec, on n'a aucun passé colonial ou esclavagiste. On est une des rares terres qui a été colonisée par un régime qui avait de l'éthique et de la morale, c'est-à-dire l'ancien régime français. Et chez nous, la question de l'esclavage, il n'y en avait pas, tout simplement. Donc, on est capable de pouvoir s'exprimer sur le sujet sans avoir de culpabilité historique. Mais nous avons une culpabilité raciale, parce que les Blancs sont responsables de l'esclavage. Évidemment, moi, je compare ça souvent à la question de la prostitution. Il y a des approches pour lutter contre la prostitution. Et l'une d'elles consiste à attaquer les clients, c'est-à-dire dans le cas présent, les Blancs qui achetaient les esclaves chez d'autres Africains. Et il y a une autre approche aussi qui consiste à s'occuper des souteneurs, des Macs, et de les arrêter et de laisser les clients tranquilles. Je crois qu'on devrait analyser ou considérer cette question-là sous l'angle du fournisseur de services plutôt que du client. Ceci étant dit, au Québec, on reçoit beaucoup d'Haïtiens ces derniers temps. C'est suite aux menaces de la suspension du DACA, là, l'accord qui permettait aux Haïtiens de séjourner aux États-Unis sans être immigrants et sans être expulsés. Ils se sont lancés sur nos frontières de manière illégale. Et ça, c'est parce qu'ils savaient très bien que s'ils passaient par les postes frontières, ils seraient refoulés. Maintenant, en vertu des accords, s'ils entrent illégalement, eh bien là, ils sont détenus et puis relâchés avec un chèque d'assistance sociale, des services médicaux, l'éducation et tout le reste. Ça, c'est en vertu des accords avec les États-Unis. Oh, bref, c'est bon. On se fait littéralement envahir. Et moi, je sais, il y a des gens qui ont travaillé, je connais des gens qui ont, dans le domaine de la construction, qui ont travaillé un dimanche, c'est à temps double, pour préparer des locaux afin de recueillir tous ces gens-là. Et le plus beau là-dedans, c'est que quand les Haïtiens ont commencé à recevoir les chèques du gouvernement, 600 quelques dollars par personne, eh bien, la télé est allée en interviewer. Et un des Haïtiens qui avait reçu l'argent a dit « Ah ben c'est bien, je vais pouvoir en envoyer un peu à Haïti. » Alors, c'est à ça que ça sert l'argent de l'assistance. Ça sert à soutenir un pays failli, c'est-à-dire Haïti. Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Bon, bah voilà pour Saint-Martin, victime du colonialisme nègre, en fait, hein, je crois que c'est la conclusion. Sujet numéro 3 de cette rubrique autisme radical. L'urine de chameau arrive en France et trouve un certain succès. Alors là, on apprend à nos auditeurs hein, à découvrir un peu la culture de leur propre pays, parce que vous n'êtes pas forcément au courant. Chers amis, je m'en vais vous narrer ce petit truc-là. Alors... Donc l'urine de chameau, courte présentation, c'est en vente en ligne, hein. Donc c'est sous l'aspect d'une bouteille, un petit peu comme une bouteille de vinaigre en verre, là, comme vous avez, vinaigre un peu précieux, huile d'olive un peu précieuse, là, 5 euros quand même, hein. 5 euros, attendez, c'est ça, c'est 5 euros, par contre je ne connais pas la contenance, j'aimerais bien connaître la contenance, alors je vous montre la description. 100 millilitres. 100 millilitres. D'accord, 100 millilitres. Oui, c'est 10 centilitres, quoi. Hein ? Ouais. C'est ça. Voilà, 10 centilitres, ça fait même pas la moitié d'une canette de coca. Oui, non, ça fait, voilà, 5 euros. 5 euros l'urine de chameau. Alors, voici la description du produit en vente en ligne. Hein, à ne pas manquer, j'insiste, hein, je suis en partenariat avec. L'urine de chameau est un des ingrédients de la pharmacopée traditionnelle dans beaucoup de pays. Hein. Dans la péninsule arabique... Les patients consomment de l'urine de chameau à raison de 100 ml par jour, soit seul, soit mélangé à du lait de chamelle. Oh, c'est délicieux ça. Une telle cure est censée résoudre ou aider au traitement d'un grand nombre de maladies. L'urine de chameau est soit utilisée notamment pour traiter les maladies de peau, telles que la teigne, la gale ou les abcès cutanés, les maux de dents, les affections des yeux, les morsures de serpents, mais aussi toutes les douleurs apparaissant dans l'abdomen, en particulier les douleurs de l'estomac et les ulcères. L'urine de chameau a aussi des propriétés antipelliculaires et utilisée en shampoing. En shampoing, c'est bien ça, se laver avec la pisse. La pisse, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Elle apporte un lustre brillant à la chevelure. Dixit, je cite. Hein. Et alors, elle nettoie les moteurs aussi. Hein. Les moteurs diesel encrassés, ça les nettoie, c'est bien. Alors, elle peut prévenir de la soif et de la faim chez le caravanier perdu dans le désert. C'est possible d'ailleurs. Plusieurs chercheurs des pays arabes affirment également que l'urine de chameau a des propriétés anticancéreuses, tout particulièrement contre le cancer du foie. Je présume aussi que ça guérit, la cécité, la paralysie, les tétraplégiques aussi ont témoigné du fait qu'on pouvait remarcher au bout de 3 semaines, je crois qu'on remarche. Et puis d'autres miracles de la médecine coranique comme ça qui sont rapportés et avérés. Hein, là, c'est pas n'importe quoi. Alors, chers amis, c'est en vente en ligne. C'est l'urine de chameau en France. Ça remplace le pento, éventuellement. Ça nettoie les chiottes. C'est absolument formidable. J'ai l'impression d'être Pierre Belmar. Là. Je crois que je suis en train de conquérir des masses là, de clients. Qui veut réagir là-dessus? Frodon. Frodon. Oh, Frodon. Qu'est-ce que tu veux alors, dire? Ouais, bah, les Suisses ont inventé le couteau suisse et puis les Arabes ont inventé la pisse de chameau. Alors, c'est sympa, hein, ça soigne un peu plein de trucs. Par contre, ça empêche pas d'être un sale bougnoul, et ça, c'est bien dommage, quoi. Parce que s'ils ont besoin d'un truc, c'est bien de ça. Alors, toi, tu dis, ils ont inventé la... Alors, autant les Suisses, ils ont inventé le couteau, tu vois, autant là, ils ont rien inventé, parce que c'est la chamelle qui pisse dans le seau, quoi, tu vois. Pour le coup... C'est comme les aborigènes, leur seule invention, c'est cueillir un bâton. C'est très dur de cueillir un bâton. Tu rigoles, mais tu sais pas ce que c'est. Ah, ça demande... Bon, au vu de la musique des aborigènes, ça demande au moins 1 million d'années d'évolution civilisationnelle. Oui. Ouais. Alors, cette pisse de chameau en vente en ligne, maintenant dans la France, bah, qui change, hein. La France, comme dit Hidalgo, comme disent à peu près tous les responsables politiques, ça change, ça évolue, ça bouge. La France bouge, comme disait François Hollande. Bah ça y est, on y vient, la péninsule arabique dans les rues de Montpellier, de Toulon, de Strasbourg. Les cheveux luisants, la djellaba, la barbe, ça y est. Qui veut participer avec moi de cet effort marketing? Parce que bon, j'essaye un peu de pousser aussi la marque quand même. Il n'y a pas la marque précise, c'est pas précisé. Je pense qu'on a Il faudrait mettre les photos de l'imam de Brest qui brandit fièrement sa bouteille voilà pour... Oui. Pour signaler à tous les musulmans que la foi que c'est un breuvage tout à fait exceptionnel. Alors c'est pas le breuvage des druides, hein, je précise. C'est donc un imam marocain qui se situe à Brest, effectivement, et qui aime, comme d'ailleurs tous les pèlerins, aime consommer de l'urine de chameau parce que ça a des vertus. Alors voilà, qui s'était filmé, qui a retiré la vidéo et qui l'a fait retirer systématiquement dès que celle-ci est repostée sur YouTube. On se demande bien pourquoi. Franchement, je ne comprends pas ces préventions. La médecine prophétique est reconnue mondialement, en tout cas reconnue dans les 55 quelques pays musulmans. C'est-à-dire qu'il aurait honte des anciens humains du prophète. C'est pas très islamique. Ah, l'apostat. L'apostat. C'est pas très halal. Aïe, aïe, aïe. Enfin, c'est à cause de la pression des koufars que nous sommes, mais ça va changer. Ça va changer. Il faut apprendre à se respecter, il faut apprendre. Alors, bah, il faut pas bouffer de porc par contre, ça c'est sale. Mais il faut apprendre à boire de la pisse de chamelle. Voilà. D'ailleurs, je pense que des éleveurs, conscients de la demande, vont progressivement importer des chameaux en France. Ça va venir, ne rigolez pas. Et, alors j'entends déjà des gens qui disent ça existe déjà, regarde, j'ai trouvé un truc. D'accord, montrez-les-moi, je prends. Rubrique numéro 2, chers amis, vite fait, bien fait, hein, quand même, comme on dit, les sales crouilles de la semaine. Alors, vous allez me dire, encore ? Mais bien sûr, encore. Ah, mais là, c'était... Vous connaissez l'histoire à Rimini, en Italie ? Vous connaissez l'histoire ? Sur la plage, le viol collectif horrible d'une jeune femme polonaise qui visitait la ville par... je crois qu'il y avait un nègre, deux Marocains, enfin, c'était vraiment... Ah, on avait parlé ça il y a quelques semaines, je crois, non, c'est ça ? Oui, c'était assez... C'était haut en couleur. Là aussi, c'était le... Bah, c'était le... Oui, c'était... Une démonstration du caractère vibrant et enrichissant du multiculturalisme. Et donc, bon, la Polonaise, elle a été enrichie, je pense qu'elle s'en rappellera toute sa vie, probablement. Et donc, ils ont interpellé les quatre responsables. Alors, il y avait de tout, hein. Mais... Je cite, la mère d'un des violeurs a tenu à s'exprimer à l'endroit de sa voisine. Voici ce que rapporte la presse, c'était cité par F. de Souche. La mère des deux Marocains, auteurs des viols de Rimini, a reçu un avertissement de la part de la police pour des persécutions contre sa voisine. Ah bon ? Un avertissement malgré le fait qu'ils soient des clandestins à la charge des contribuables italiens. Bah oui, les parents sont clandestins. Elle a menacé sa voisine avec un couteau en déclarant qu'elle allait la faire violer par ses fils. Tiens, quel hasard ! Ah ! La mosquée à Lazare. Non ? Je me suis gouré, c'est pas ça ? Ah, c'est l'islam, frère, hein, j'ai envie de te dire. C'est l'islam. C'est l'islam, frère. Ahri, frère, c'est déjà que t'es dans la mécréance, là. Ah, ouais, pardon. Mais c'est la Oumma, frère, c'est la Oumma. Irwan. Non, mais c'est vraiment bien. Alors, d'ailleurs, l'imam autour de ce viol-là a tenu à rappeler des choses, quand même, des éléments de vérité islamique, parce que la confusion entretenue par l'extrême droite est telle, si vous voulez, que, évidemment, les amalgames les plus fous sont en... Par exemple, il y a des gens qui disent qu'il y a un lien entre l'immigration et le viol de Rimini. Moi, je vois pas le lien, je veux dire, je vois pas. Je sais pas de quoi il est. Oh, quel amalgame! Bah, y a un amalgame. Gens, il faut les condamner à 6 ans de prison. Non? L'imam, qui connaît les deux mineurs marocains impliqués dans les viols de Rimini, a déclaré la chose suivante. Ils sont sans Allah, dévastés par la société occidentale comme d'autres garçons. Ça, c'est Abdelrahim Troumi, l'imam de Valle Foglia, dans la province de Pesaro, qui a commenté les faits après l'action. Donc, c'est de la faute de la société occidentale, le viol d'une Polonaise. C'est flagrant. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est marrant, je trouve qu'il y a un parallèle, tu vois, avec les islamistes, c'est la faute de l'Occident, avec les gauchistes, c'est la faute de l'extrême droite. Il y a une sorte de convergence, je sais pas. Bah, moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas cité les djinns, moi, dans l'affaire. J'ai pas compris. Je m'attendais aux djinns, moi. T'es où, le djinn? Qu'en pense Abdelarouf Ouais, bonne question. Qu'en penses-tu? Astérix. J'en aurais jamais assez de marrer de ces trous de balles. Enfin, bon, là, c'est pas drôle, évidemment, pour les victimes, hein, ces trous du cul, mais leur folie et leur façon. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut quand même jamais l'oublier. Ici, on ne l'oublie pas, mais il faut que les auditeurs ne l'oublient pas non plus, que c'est la principale cause, c'est le bougnoulisme. C'est parce que moi, j'ai encore vu un reportage de Ramzan Kadyrov ce matin. Celui qui me dit que Ramzan Kadyrov il se lave les cheveux avec de la pisse de chameau et que il s'imagine que des djinns sont partout et tout, je pense que tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment. Alors Ramzan Kadyrov, il faut quand même citer, c'est le leader tchétchène hein, dans le Caucase russe, hein, on précise hein, quand même. Ah oui, pardon. Oui. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que l'islam est bougnoulisé, mais je pense que c'est le bougnoulisme, si dans l'échelle de, enfin, dans ce qui prévaut, si tu veux, c'est le bougnoulisme. C'est pas à chaque fois. Entre l'islam. Moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est un peu différente. Donc toi, tu dis en gros ce qu'on voit des manifestations actuelles là, dans cette histoire précise, mais qu'on le trouve ailleurs. En fait, c'est pas tellement l'islam comme système religieux, etc. C'est juste la marque d'une culture ethno-raciale, en fait, ça s'exprime comme ça, et ça prend un caractère religieux simplement d'emprunt. Enfin, la religion est un véhicule de cette culture du Maghreb ou du Moyen-Orient. Moi, j'ai une vision un peu différente, c'est que je pense que, par définition, la religion islamique est un produit du bougnoulisme, en fait, par définition. Parce que ça a été créé par des bougnouls. Voilà, oui, j'ai envie de dire que l'islam a été créé par et pour des bougnouls, a été ensuite adopté par des peuples assez divers, a une capacité quand même à rendre complètement tarés des peuples qui, peut-être par ailleurs, ne le seraient pas devenus, en tout cas pas dans ces proportions. Et en fait, dans les parties racialement les plus éloignées en fait des bougnoules, l'islam commence à devenir bon. Je vais pas dire tolérable parce que c'est même chez les Tchétchènes, hein, franchement, il y a, mais disons que c'est moins agressif dans ces manifestations. Et quand tu dis Kadyrov, effectivement, je vois plus en fait le chef de tribu montagnard du Caucase, tu vois, jaloux de son pouvoir, mais qui quand même sait quand même à peu près où il se trouve, tu vois, que le sale bédouin infect et denté avec sa barbe puante qu'on peut retrouver effectivement dans le Hedjaz ou ailleurs, quoi. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi que les deux sont intrinsèquement, sont totalement liés depuis la création de l'islam, de par l'endroit où il est né et tout ça, hein. Donc il n'y a aucun problème. Mais si tu veux, pour... Au début, fut le bougnoul, quoi. Si je formulerais comme ça, quoi. Alors, commencement, fut le bougnoul. Juste pour modérer un petit peu le propos, des gens qui s'imaginent, par exemple, qu'un bougnoul désislamisé sera un parfait français, quoi. C'est ça que je veux dire. Il me semble qu'il y a eu en Tchétchénie des manifestations de soutien aux Rohingyas. C'est très politique et je crois qu'il y a un jeu là-dessus très politique qui se joue. Je crois qu'il y a eu quand même une grosse part de sincérité de la part des masses. Hein. Ça, c'est le caractère de l'islam qui a un caractère très particulier. Effectivement, le monde islamique a une cohérence. Hein. C'est-à-dire, ça traverse le monde islamique en dépit des États en fait qui sont très différents. Mais effectivement, ça c'est très bien observé, très bien observé. Quelqu'un d'autre sur cette bon là on était parti de l'urine de chameau là maintenant. On est dans le Caucase, on voyage, hein, on était à Saint-Martin, dans les Caraïbes, et puis maintenant on est dans le Caucase, et puis on allait partir vers la Birmanie, mais malheureusement le programme est un peu différent. Non, la piste de chameau, prochainement dans vos meilleurs supermarchés. Bah. Y a un seul petit truc, si je peux faire un petit aparté médical. Bon, moi je suis très intéressé par la médecine alternative. Je connais pas mal de choses. Il y avait eu ce docteur là qui recommandait la pisse d'un animal. Alors je sais pas si c'est lié, s'il était du lobby mahométan ou si c'est juste une coïncidence. Mais en tout cas, je suis obligé de le dire. S'il y a peut-être un truc dans certaines pistes, quoi. C'est possible, parce qu'il y a un docteur en tout cas qui avait sorti un truc comme ça. Mais c'est évident que. J'espère que la chose sera bientôt remboursée par la sécurité sociale parce que on a tellement de sous à dépenser qu'il faut qu'on rembourse la piste de chameau. C'est pas Beljanski. Ça sonne pas très suédois ça. La circoncision, c'est remboursé par la Sécu ou quoi? Bonne question. Voilà. En cas de phimosis, oui, c'est remboursé. Oui, non, mais d'accord, mais en cas de phimosis culturelle, comme en islam ou chez les juifs, comment ça marche? Je sais pas pourquoi, si tu veux, je sens que les médecins bougnoules font beaucoup d'ordonnances à ce sujet. Enfin, déjà, chez les juifs, c'est le rabbin qui procède à la circoncision. Donc. Ça peut être remboursé malgré le fait que ça coûte rien. Hein. D'ailleurs, c'est un des axes d'attaque les plus simples pour ceux qui veulent pas se faire chier avec des débats théoriques, politiques et tout ça, soit parce qu'ils n'ont pas l'envie, soit parce qu'ils n'ont pas les connaissances, soit parce qu'ils n'ont pas les couilles. C'est vraiment une manière d'attaquer l'invasion arabo-juive très facile, quoi, parce que les gens sont vraiment choqués. Vous montrez des vidéos de circoncision et ça a retourné le cœur de n'importe quel Européen qui se respecte, quoi. C'est vraiment... Effectivement, lorsque le rabbin prend du vin pour cicatriser le sexe du nourrisson, c'est... Alors là, si vous avez envie de devenir antisémite, voilà. Il y a un rite qui fait que les rabbins, alors certains rabbins, je sais pas, mais apparemment, ça se finit avec les dents. Quoi. Donc tu avais eu des bébés aux États-Unis issus de certaines communautés d'orthodoxes qui avaient chopé l'herpès et qui étaient morts. Hein. Bienvenue dans le monde joyeux du judaïsme. Voilà. Dans le monde sémitique. C'est, voilà. Ah oui, non, mais c'est vraiment irréconciliable. C'est-à-dire que là, il y a le monde de l'Europe et puis il y a le désert, quoi. Et là, on n'est pas réconciliable. Un enfant, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment facile d'attaquer là par là, parce que les gens n'y pensent pas en fait. Ils se disent ah oui, circoncision, très bien. Ils s'imaginent un truc, mais c'est une véritable torture. Il n'y a aucun anesthésien au monde qu'on peut administrer à un enfant de 2-3 ans sans le tuer qui pourrait lui empêcher de ressentir la douleur d'une circoncision. Il faudrait lui administrer des grammes et des grammes de fentanyl. Le gamin, il s'arrêterait de respirer instantanément. Donc, automatiquement, la douleur est atroce, quoi. Alors, les psychiatres qui pensent que les choses inscrites entre 0 et 2 ans sont mille fois plus d'importance que ce qui est inscrit par la suite, je ne sais pas ce qu'ils en penseraient. Mais bon, malheureusement, les psychiatres étant souvent juifs, je pense qu'ils n'auront pas grand-chose à nous dire sur le sujet, quoi. Oui, ça pourrait... Oui, il y aurait un hiatus, quelque part. Alors, les amis, on fait une pause musicale, et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission, qui, je veux le croire, sera intéressante. Je veux le croire. Alors moi, j'ai juste un truc à ajouter pour t'aider en marketing. Pour t'aider dans ta campagne marketing pour l'urine de chameau. Oui. Un petit slogan marketing, ça pourrait être vous aviez la merde de nègre dans vos rues, et ben maintenant vous avez la pisse de chameau dans vos supermarchés. Pas très vendeur ça quand même. Bah je sais pas, la merde de nègre dans la rue, apparemment dans le 16e arrondissement, ça leur parlait bien. Bon, moi j'essaie de vendre, hein. Pisse de chameau, moi j'essaierai de combiner un truc avec Aïcha, tu vois, un peu Aladdin, tu vois, Aladdin, tapis volant, un truc comme ça, un truc un peu, voilà, un peu machin, quoi. Un peu... Ouais, c'est les senteurs des mille et une nuits, tu sais. Voilà, les senteurs, ah, c'est bien, ça, voilà, regarde, tu vois, voilà, tu parlais de machin, bah voilà, là, ouais, c'est bien, c'est accrocheur, ça, les senteurs des mille et une nuits. Avec un peu de chance, on peut faire boire ça au vieux touriste 68 ans qui va faire ses croisières au Maroc. Les senteurs des mille et une nuits. Ah, je suis conquis. Et pourquoi pas un bon bol de pisse avec un peu de quinoa. Oh là là, voilà, c'est comme ça me... Non, senteur, j'aimais bien. Les senteurs des mille et une nuits. Ouais, c'est bien ça. J'ai le nom d'une marque, là. On va déposer le truc à l'INPI, ça va vite se faire. À tout de suite. On a un concept. nous revoici pour cette deuxième partie d'émission. Je tiens à signaler une vidéo intéressante, un témoignage sur YouTube qui est passé sur la chaîne de, je cite le nom de la chaîne, hein, Camarade Jean. Voilà, ça s'appelle comme ça la chaîne. Et on a le témoignage d'un blanc qui a sur... je ne sais plus le titre exact. Être blanc et survivre dans les banlieues du 13 ou quelque chose comme ça, le 13, donc Marseille, région de Marseille, département de Marseille, quoi. C'est Bouches-du-Rhône, non? Oui. Voilà. Bouches-du-Rhône, être un blanc, survivre dans les banlieues des Bouches-du-Rhône. Vous avez un témoignage super, là, ça dure... Il y en a en plusieurs parties. Je le salue, d'ailleurs. Je le salue, je sais qu'il nous écoute. Je le salue, il a un passé... il a un passé qui, moi, ça m'a beaucoup intéressé de l'écouter. J'invite ceux qui nous écoutent à l'écouter aussi et en retirer ce qu'ils peuvent en retirer. Ça, c'est du vécu, ça vaut le coup. Hein, donc, comment fait-on pour survivre au milieu des bougnoules ? Grosse thématique. Alors, sur ces entrefaites, j'avais envie de vous parler d'une très belle histoire. Une histoire qui se termine bien, parce que tu sais, souvent, c'est un peu déprimant, ça se termine bien. Donc, c'est la belle histoire de la semaine. Je vous la livre, telle qu'elle. Vous êtes prêts? Oui? Vous êtes. Votre empathie Allez. Est déployée? Voilà, c'est. Oui, j'ai dit la belle histoire de la semaine, c'est vrai que ça pourrait être aussi. Comment dirais-je, les mille et une nuits. Alors. Il n'était pas pour. Ça commence comme ça, l'histoire. Mais son fils lui disait « Papa, j'ai 20 ans, je veux profiter, je veux aller voir la mer. » Je vous la fais vraiment immersion, disons. Il lui avait assuré qu'il n'irait pas à Marseille, mais le lendemain, en cachette, Bilal El Abdani a pris le train depuis Vienne, pas en Autriche, hein, pour la cité du Vieux-Port. Il n'en est jamais revenu, retrouvé mort dans sa cellule de la prison des Baumettes le 10 août. Je vous ai dit que ça terminait bien. Entre-temps, il s'est passé 4 jours que ses parents tentent de reconstituer, car selon Mohamed El Abdani, il est impossible que son fils se soit suicidé, même si Bilal était une personne fragile. Reconnu comme un handicapé à plus de 70%, bipolaire selon son père, avec un lourd traitement médicamenteux et quelques tentatives de suicide par le passé. À Marseille, après 2 nuits dans un hôtel, Bilal se retrouve en garde à vue. Sa famille à Vienne est contactée. Elle ne comprend pas vraiment les motifs de l'arrestation, mais précise bien que Bilal est handicapé et fournit des documents l'attestant. Il aurait crié « Allahu Akbar !» aurait récité des versets du Coran trop fort dans l'hôtel et en aurait écrit sur les murs. C'est une des versions retenues. Car ni l'avocat ni la famille n'ont pu avoir accès au dossier. Bilal est soupçonné d'apologie du terrorisme avant de comparaître pour outrage, rébellion et dégradation. Placé en détention le soir même au Baumettes, il a été retrouvé pendu avec ses draps selon l'AFP. Une version que ne peut croire sa famille. Pourquoi t'en récupérer le corps seulement 20 jours plus tard? Rien ne tient la route dans cette histoire. On n'a pas vu le rapport de la maison d'arrêt, et puis on n'a pas pu mettre un gamin de 20 ans fragile comme ça tout seul. Je cite, hein, je cite. Les erreurs judiciaires se sont enchaînées les unes après les autres, dixit, hein, l'avocat. Comment se fait-il que l'expertise psychiatrique n'a pas décelé son handicap? Pour moi, il y a non-assistance à personne en danger. Personne n'a levé le petit doigt pour Bilal. Commentaire. Je prends vos réactions sur cette mort tragique de Bilal, mort malgré lui pour apologie du terrorisme dans sa cellule. On ne sait pas pourquoi, c'est arrivé. Les sionistes travaillent définitivement au choc des civilisations. De toute façon, tant qu'on n'aura pas arrêté ce djinn suprémaciste, là, il va faire un carnage. Donc, Sérieusement, là, deux minutes, vous avez un type, il est bipolaire, il a fait des tentatives de suicide. Il se retrouve mis en prison, il se suicide. Et les mecs, ils sont là. Non, il ne serait jamais suicidé. C'est les sionistes. Attends, non, le truc, non, c'est encore mieux. Oui, il a fait des tentatives de suicide par le passé, mais il ne se serait jamais suicidé. Mais c'est n'importe quoi. Il a évidemment le profil du mec qui a craqué en prison. Non. Et pas qu'en prison. Ah non, il a évidemment le profil du mec qui n'influence un djinn. Non, mais un musulman ne se suicide pas, c'est clair. C'est pas ça l'islam. Allahu Akbar, boum. Il a peut-être bu trop de puces de chameau non plus. Non, mais alors moi ce qui me marque, c'est le. En fait, c'est juste une différence culturelle, si tu veux. À Marseille, les policiers sont habitués à traiter avec des arabes, tu vois, des arabes fous. Enfin, c'est l'arabe moyen, en fait. Hein. Et là, l'article a été écrit là-haut, sûrement dans la Vienne, je crois. Hein. Et. Eh bien, oui, mais là-bas, ils ont pas l'habitude. Là-bas, c'est le taré du coin, quoi. C'est l'arabe du coin. Alors, Vienne, c'est dans la Drôme. Ah, d'accord. Ah, c'est David de Vienne, d'accord. Autant pour moi. Donc, oui, c'est okay. En Autriche, hein. On s'entend bien. Hein. Ouais, non, je croyais le département. C'est pas Adolf Hitler qui venait visiter les Baumettes, hein, on s'entend bien. Hein, donc. Mais bon, mais ouais, en tout cas, c'est plus rural, hein, c'est pas la même chose. Et donc, voilà, il est arrivé à Marseille, oui, il a été traité comme le droit commun, hein, c'est normal. Hein. Mais on en a parlé 100 000 fois dans cette émission, mais c'est tellement intéressant de voir le manque, enfin, l'incapacité qu'ont les Arabes à s'objectiver, quoi, à s'extraire de leur cadre, à s'extraire d'eux-mêmes et à observer les choses, y compris observer leur famille. Voilà, on a un enfant, s'il est attardé, bah, il est attardé. Et c'est justement là qu'on en prend le mieux, qu'on comprendra les meilleures décisions. Donc, faut voir ses proches pour ce qu'ils sont, faut se voir soi-même pour ce qu'on est. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ça, c'est le travail de toute une vie, il en faudrait même plusieurs, mais. C'est voir ses proches pour ce qu'ils sont, c'est pas impossible quand même. Mais eux, et c'est là que ça secoue nos cerveaux occidentaux, c'est que eux, l'unité se trouve au-delà de l'individu. Pour eux, une famille, c'est. Donc en fait, ils peuvent pas. Ils ont absolument aucune aptitude à la conscience individuelle, à la conscience. À la conscience tout court, quoi. Ça les sort quasiment de l'humanité, hein, ce que je dis. Mais on est obligé de remarquer que c'est vrai, quoi. Bah, tu sais, quand tu tournes à 82, 3 de QI, tu vois, c'est un peu, malheureusement, la malédiction qui pèse sur tes épaules, quoi. Effectivement. Surtout quand on sait que c'est une moyenne, hein. C'est-à-dire que le mec du bas, il est à 70, hein, voire même moins. Et moins. Ah bah merde, j'ai essayé un petit peu de... Et puis non, c'est foutu, on peut rien faire. Mais est-ce que c'est une question de QI, justement, ce truc-là? Moi, je crois pas, tu vois, le s'objectiver, attends, c'est vraiment dire, bon, un truc écoute. De conscience qui c'est pas lié aux aptitudes analytiques. Par exemple, un mec comme Zinedine Zidane... Si, bien sûr que si. Alors là, je t'arrête tout de suite. Attends. L'intelligence, c'est la capacité à anticiper, d'accord? C'est la capacité à réfléchir... c'est quoi l'intelligence? C'est comment j'analyse, comment j'anticipe. Pour une question de survie, quoi. Et en fait, quand t'as une grosse capacité cognitive, en fait, tu anticipes beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'être anticipé à la minute, tu anticipes au jour près, à l'année près, etc. Les mecs qui ont vraiment une grosse capacité, ils peuvent même voir 10, 20, 30 ans en avance, tu vois. Or, quand tu peux pas faire ça, tu vois, t'es dans un éternel présent, en fait. Donc tu n'apprends rien. Tu ne retiens jamais rien de ce que tu apprends, en fait. Le lendemain, tu as déjà oublié. Et donc, les mecs sont dans une incapacité au doute, parce que c'est ça, hein, l'analyse, c'est la remise en cause. C'est ce que tu disais, tu vois. Pourquoi ces gens-là n'arrivent jamais à avoir un regard critique sur eux-mêmes? Ces gens-là sont simplement trop cons pour avoir... Enfin, ils sont trop cons pour des questions raciales, essentiellement, et aggravées par le phénomène culturel, tu vois, qui les encourage même pas, tu vois, à développer un petit peu, à creuser un peu, tu vois, le truc. Ces gens-là ne peuvent pas douter d'eux-mêmes, tu vois. Et si vous êtes confronté à des Arabes, vous serez toujours constamment frappé par ce phénomène-là, l'incapacité à se remettre en cause. Ces gens-là ne se remettent jamais en cause. C'est pas tellement que c'est un plan pervers, malicieux, qui est finement calculé. En fait, les gens, ils sont juste trop cons. Ils sont juste trop cons pour se remettre en cause. Parce que s'ils se remettent en cause, ils sont effondrés, quoi. Et vous avez quelques intellectuels comme ça d'Algérie, ça arrive, je veux dire, ils arrivent quand même à en pondre quelques-uns. Des intellectuels d'Algérie, du Maroc, du monde arabe. Mais par définition, les mecs deviennent anti-arabes. Parce qu'ils voient tellement l'état de d'effondrement de leur propre population qu'ils disent, mais c'est pas possible. Comme Daniel donc, Conversano, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit, Conversano? Tu dis qu'il est arabe? J'ai pas dit qu'il était arabe, moi. J'ai pas dit ça. Mais non, c'est pour plaisanter, je t'aime bien, Daniel. Mais comment dire Donc les types sont n'étant pas capables d'anticiper, pas capables du coup de se projeter dans le futur, ils sont dans un internal présent comme je l'ai dit. Du coup, le doute n'existe pas. Alors, quand le doute n'existe pas, tu peux pas dire bah, peut-être que j'ai merdé, peut-être que mon fils a merdé. Non, c'est l'autre qui a merdé, forcément. Tu vois. C'est vraiment intéressant. Tu sais, Gandalf, là, cette discussion, on pourra pas l'avoir dans le cadre de cette émission parce que c'est pas fait pour ça. Mais c'est une discussion vraiment intéressante et à mon avis, c'est plus profond que ça. Hein, parce que moi, j'ai déjà vu des simplets qui avaient la faculté de remarquer qu'ils étaient simplets. J'ai déjà vu des. Tu vois, il y a la blague de Coluche, l'intelligence, c'est la chose la mieux répartie parce qu'on juge chacun juge son intelligence à partir de sa propre intelligence. Donc, il est toujours capable de. Enfin, il se jugera toujours suffisamment muni. Mais en réalité, moi, il y a des gens qui ont cette faculté de se voir de l'extérieur, quoi, de prendre du recul, enfin, qui ont des tendances égotiques moins aliénantes, quoi. C'est-à-dire que les bougnoules ont des égos surdimensionnés, donc ils sont absolument. La remise en question c'est impossible. C'est amplifié par l'islam. C'est vraiment, je veux dire, le musulman n'a jamais rien fait de mal. Ça, moi je le dis, je le répéterai toujours à tous ceux qui nous écoutent. Ne vous racontez pas de conneries sur les musulmans, c'est une race envoyée par le démon. Je veux dire. Vous allez me dire, mais musulman, c'est pas une race. Évidemment, c'est pas une race au sens strict, c'est une race, il y a plusieurs sens au mot race. C'est une engeance, si vous voulez. C'est envoyé par le diable. Ces gens vous assassineront avec le sourire du bébé aux lèvres. Il faut avoir ça dans la tête, si vous voulez. Ne cherchez pas à comprendre des gens comme ça. Dites-vous simplement une chose, plus loin ils sont de vous, mieux ça vaudra. Franchement, bah, si vous avez envie de contrevenir, regardez les sourires d'enfants qui égorgent le mouton pour l'Aïd. Hein. Deuxième partie. Alors c'est le petit thème, là c'est rééducation nationale. Alors oh, putain, ça c'est un continent en soi cette affaire, mais c'est une image que j'ai vue, une capture de texte qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. L'origine, alors je vous cite l'origine avant de vous la décrire. Je vous cite l'origine. C'est un dessin extrait du petit guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations par le réseau associatif Ritimo 2015. Alors le réseau associatif Ritimo, c'est des noms à la con comme ça, qui trompent les gens. Et je vais en parler maintenant. Ritimo, en fait, je vous passe l'acronyme. Il donne le site internet, www.ritimo, comme ça se prononce, ritimo.org. Mais on va revenir dans le détail sur le truc. C'est typiquement le réseau associatif marxiste. Subventionner massivement toutes les associations en France. Ça, je le dis aux Français, écoutez-moi bien sur ce que je vais vous dire maintenant. Toutes les associations que vous voyez actives dans vos municipalités, si vous intéressez, je vous y invite, allez creuser un petit peu. Il n'y a pas que des associations de quartier, vous avez des trucs un peu plus fins, avec des noms qui reviennent, comment dire, Carmonde, Terre des Hommes, des trucs... C'est toujours une référence à l'internationalisme. Oui, Carmonde, déjà, ça donne une idée. Voilà. Eh ben, vous en avez quantité comme ça, et quand vous faites qui est avec qui, qui est dans quel réseau, etc., vous remontez comme ça avec les noms des mecs dans les associations, où ils se situent, où est leur siège social, ça remonte toujours, enfin très souvent, au 21 Terre Voltaire, à Paris. C'est le QG de la nébuleuse communiste française, communiste toute obédience confondue. Alors ça va du trotskiste en passant par le communiste dur, anarcho dégueulasse, tiers-mondiste patenté, palestinophile, vraiment, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Par exemple, à Nantes, il y a la Folle Journée, une musique classique, intégralement tenue par l'extrême gauche, pilotée depuis les communistes de Paris. Intégralement. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Dans toutes vos municipalités, toutes, surtout dans les métropoles, les municipalités arrosent les communistes et leurs pseudopodes et leur permettent d'agir à longueur d'année en payant des agitateurs professionnels et des encadrants, c'est ceux qui encadrent la société. Et vous remarquerez, chers amis, que ces mecs, quand ils organisent un truc, pas un happening, un concert, un repas, une conférence, ça se retrouve dans la presse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on vous crée une espèce de décor, hein, littéralement, c'est un peu comme le Potemkin, quoi. On vous crée une espèce de décor, en fait, où la presse, payée par l'État, subventionnée massivement par l'État, relate les faits et gestes d'une association qui elle-même est payée par l'État, par le jeu des subventions, et vous avez l'impression, si vous voulez, que c'est la société civile qui se mobilise. C'est pas la société civile, c'est les militants du système. C'est vrai à Pau, c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai à Lyon, c'est vrai à Strasbourg, c'est vrai à Alfortville, c'est vrai à Rouen, c'est vrai à Brest, c'est vrai partout. C'est une pieuvre, qui mobilise des centaines de milliers d'activistes, plus ou moins conscients, et qui sont pilotés directement par les services gouvernementaux français. Et c'est situé résolument à l'extrême gauche. Ne vous étonnez pas ensuite pourquoi il y a un tel soutien pour l'immigration clandestine. D'accord ? Pourquoi j'ai fait cette longue digression ? C'est parce que ce réseau Ritimo en question, mais comme tant d'autres organisations de ce style, fournissent, ils font de la réflexion, ils font des conférences, ils mobilisent, ils vont voir les acteurs publics, vraiment, véritablement, les élus, les préfets, les trucs, et ça. C'est du lobbying en perlin avec votre pognon. Et ils vont dire, non, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mettre ci notamment dans les manuels scolaires, c'est ça qui nous intéresse. Dans les manuels scolaires, ce genre de tocards, donc des pédagogistes à la con, donc des trotskistes en fait, arrivent en disant, dans notre association, vous voyez, on a fait une réflexion, ça peut être sur n'importe quoi. Le genre, comme ils disent, donc en fait, comment supprimer le mal blanc, quoi. La question du tiers-monde, du racisme, de la xénophobie, des migrations, etc. Comment faire pour résoudre ça ? Ils vont voir, comme ça, les ministères, les rectorats, machin, pour faire passer leur saleté dans la littérature qui sera soumise à vos gosses. Et ce réseau Ritimo, qui appartient à ce que j'ai dit, dont je vous ai présenté vite fait le contenu, produit une planche à dessin, qui finalement est assez anodine dans son genre, celui-là. Mais il y en a plein, des trucs comme ça, dans la littérature à laquelle sont soumises vos gosses. Qui explique les migrations. Alors, on la donnera aux auditeurs hein, quand même pour l'expliquer. Vous avez en fait 4 personnages. 3 d'un côté qui forment un groupe. Ils sont à gauche. C'est 3 personnages. Ils sont côte à côte. Ils se touchent en fait. Et ils font face à un autre personnage qui lui est isolé et qui est en face d'eux. C'est très intéressant d'ailleurs la composition. Les 3 personnages regardent le personnage isolé vous regarde vous. C'est-à-dire que le personnage isolé s'adresse à vous pendant que les 3 autres regardent le personnage qui est isolé. La première est une négresse, voici ce qu'elle dit. Moi je suis immigrée et je suis française. Point d'exclamation. Il y a un jaune ou une espèce de jaune qui réagit. Moi, je suis étranger et je suis né en France. Point d'exclamation. Il regarde toujours le personnage isolé en question qui est un blanc. Moi, je suis sans papier, mais je ne suis pas clandestin. Il a les bras croisés. Intéressant, de façon assez sûre de lui, vous voyez. Il dit, moi, je suis sans papier, mais je suis clandestin. Mais je ne suis pas clandestin, autant pour moi. Moi, je suis sans papier, mais je ne suis pas clandestin. Et en fait, ce sont toute une série de slogans qui, en fait, sonnent comme une espèce de défi qui est posé au personnage en question qui est isolé, qui est un blanc, qui est assez vieillissant d'ailleurs, il a des lunettes, et il réagit et il dit ceci, « Attendez, là, ça va devenir compliqué d'être raciste. » Et il se bouche les oreilles en même temps. Donc il ne veut pas écouter ce que disent la négresse, le jaune et le bico, parce que c'est le troisième est une espèce de bico, là, le clandestin. Il veut pas écouter ce qu'ils disent, il vous regarde et il dit, « ça va devenir compliqué. » Ça va devenir compliqué d'être raciste. Ça va devenir compliqué, compliqué. Il s'adresse à vous. Et en fait, le message, c'est un peu comme une chaîne. Le message est un peu comme une chaîne. Et c'est un gosse qui va voir ça. Le gosse voit ça. Et le personnage blanc a des lunettes. Il n'a pas de Dieu. au sens propre. Il est chauve. Il a deux points. Attention, ça c'est des codes basiques en bande dessinée. Quand vous voulez faire un personnage antipathique, vous faites des points, vous ne faites pas des yeux. Vous faites juste deux points. Deux points. Dans le blanc des yeux, vous faites juste deux points. Le type est antipathique, il n'a pas d'âme, pas d'émotion. Vous voyez ? Quand vous voulez faire de l'émotion, vous faites des grands yeux, très larges, noirs, où on peut plonger, où comment dirais-je, votre inconscient à vous interprète ses sentiments, etc. Il y a une profondeur si vous êtes dans le personnage. Ça, c'est des codes basiques de la bande dessinée. Alors, donc, vous regardez cette image-là. Vous avez trois personnages, comme je l'ai dit. Alors, eux, ils ont des grands yeux. Relativement grands, en tout cas, aussi grands que la partie blanche du regard. Hein. Donc, c'est des gens qui sont généreux, profonds, qui ont une profondeur d'esprit, si vous voulez. Vous regardez le personnage blanc. Lui, il regarde le gosse fixement. Il a deux points. Et il est en mode paranoïa. Il dit, mais comment je vais faire pour, comment dirais-je, ça va devenir de plus en plus dur d'être raciste. C'est-à-dire qu'en fait, le mec est parano, complètement dingue. Il dit, ah, comment on va faire pour être mal intentionné, pour être méchant, comment on va faire. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact sur un gamin de 10 ans, un truc comme ça. Donc, c'est de la rééducation pure, par la terreur, mais la terreur subtile. C'est pas de la terreur ultra brutale, c'est pas à coup de claque dans la gueule. Des petites images. C'est la terreur qu'on a subie nous aussi dans notre jeunesse. Hein. Toutes ces associations-là, je ne sais pas si vous avez vécu dans des villes de gauche, ou même, de toute manière, vous avez les profs qui sont de gauche. Donc, ils te font passer mais à chaque fois. Bien sûr, il y a au-delà de ça. Enfin, salade. Pour regarder la mise en scène, on communiquera le dessin à ceux qui nous écoutent. En fait, l'image, c'est trois personnages très calmes, souriants, stable, établi, et en face un type parano, apeuré, qui est dans la peur et qui n'a pas de profondeur d'âme, etc. et qui regarde le gosse. Le gosse le voit et il voit ce type-là s'adresser à lui et ça génère chez le gosse une angoisse. Il se dit putain, ce personnage me regarde, il est angoissant alors que les autres sont sympathiques, ils sont stables et quelque part le futur leur appartient. Ils sont déjà là, le futur appartient, ils sont généreux, ils sont naturels, ils sont humains. Alors que l'autre est une espèce de fou qu'on veut évacuer absolument de l'image. Et on veut tellement l'évacuer qu'il y en a trois d'un côté, un de l'autre. Vous voyez, cette manipulation. Moi, le mec qui a dessiné un truc pareil, je voudrais son nom. Je voudrais son nom. Et j'aime autant vous dire que il aurait à rendre des comptes. Et il y a fort à parier que son nom soit. Je dirais que. Il y a on aura du mal à le retrouver dans la vieille Gaule. Les initiales du criminel en question sont CR. C'est du terrorisme instillé dans la pensée des gamins. Ça, c'est mis en disposition par les réseaux d'extrême gauche dont j'ai parlé au début. Hein. Voilà. On suggère, et alors, comment dirais-je, Gimli, parle-nous des réseaux qui se font le relais de cette propagande ignoble et qui font pression. Vas-y, ça m'intéresse beaucoup, ça. Alors oui, il y a un truc intéressant avec ces réseaux-là, c'est-à-dire que dans l'éducation nationale, il y a... il y a un repère de communistes tel qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs. Par exemple, on a mis un article sur le site il n'y a pas longtemps, qui relaie des associations qui s'occupent des migrants, et ben quand on regarde sur la carte de France les sièges de ces associations, dans un département sur deux, c'est la même adresse que la Ligue de l'Éducation, si vous voulez. Donc il y a vraiment une... Ou bien Ligue de l'Enseignement, je te dis. La Ligue de l'Enseignement, pardon, merci. Oui, Ligue de l'Enseignement, c'est bien ça. D'ailleurs, le fait qu'il... Comment qu'ils utilisent ce terme-là est bien révélateur de quelque chose aussi, mais j'y reviendrai peut-être une autre fois. Déjà, la Ligue, c'est les successeurs. En fait, c'est pas vraiment les successeurs, mais c'était très différent. Les hussards noirs, mais en fait, ils se... En tout cas, dans leur appétit révolutionnaire, ils se prévalent des hussards noirs, et la Ligue de l'Enseignement, en fait, est vraiment l'avant-garde révolutionnaire social-communiste qui, dans l'ombre du ministère de l'Éducation, au plan départemental, sème la terreur dans vos écoles, vous ne le savez même pas. Absolument. D'accord ? Ou alors je raconte des conneries. Je pense tout au contraire. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et il y a aussi un aspect qui est souvent négligé, c'est le... Enfin, évidemment, il y a les organes d'État, il y a les associations comme ça qui ont des subventions publiques. Évidemment, ils ont une influence, mais il y a un truc qu'il ne faut pas négliger. En France, on est souvent un petit peu à toujours tenter d'innocenter, à dire oui, non mais quand même. Et alors on dit souvent le prof il est gauchiste, mais quand même, c'est pas de sa faute. Bah si, c'est de sa faute. Le prof d'histoire, notamment, il joue un grand rôle dans le fait que les nouvelles générations soient en grande partie achetées à la poubelle. Parce que c'est lui qui, par exemple, va montrer des documentaires pour dire oulala, les méchants blancs ont réduit Haïti en esclavage et finalement c'était tant mieux que les Haïtiens se libèrent. C'est lui qui va montrer un documentaire sur la Shoah, par exemple. Donc sur ça, l'éducation nationale joue un très très grand rôle, et il y a une vraie collusion entre donc déjà, au niveau politicien, il y a une vraie collusion entre le Parti communiste et la France insoumise, hein, tout ça, et l'éducation. Hein, tout le monde le sait, l'électorat de Mélenchon, c'est en grande partie des profs. Et au niveau idéologique, même sans parler de politique politicienne, il y a vraiment un travail fait par les profs de sape de tout ce qui est bon, de tout ce qui est beau et de tout ce qui est correct dans notre peuple ou dans ce qui reste de notre peuple. C'est ça, c'est bien résumé. Et en fait, moi ce que je cite comme exemple là, c'est juste en fait un point d'argumentation. En fait, je prends un exemple, il y en a 40 000 récemment là, toujours pareil dans les manuels. On a comparé. Alors c'est pour ça, en fait, moi ça m'a intéressé, ça m'a fait marrer parce que c'est à double tranchant en fait. Ils ont comparé en fait les migrants actuels. Enfin, ils ont qualifié, en plus exactement, ils ont qualifié les Germains, enfin les Francs qui ont envahi la Gaule, enfin les Francs, il y avait les Francs, les Burgondes et d'autres, qui ont envahi la Gaule au 5e siècle. La Gaule romaine, on s'entend, qui était sous contrôle de l'Empire romain, l'ont envahi au 5e siècle, et ils ont utilisé le vocabulaire, ils ont utilisé le terme de migrants pour qualifier ces invasions. Je prolonge un peu la discussion, si on veut, quoi, pour dire qu'en fait, il y a une utilisation politique du champ lexical en fait pour essayer de faire des analogies qui d'ailleurs en plan d'ailleurs historique sont complètement infondées. On appelle ça de la théologie. C'est un point de vue historiographique, mais je vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il qu'on utilise des termes actuels pour parler d'une situation qui n'a rien à voir il y a qu'un siècle, peu importe. Et on nous explique en fait tout de suite, Gandalf, c'est pas seulement théologique, c'est historiquement faux. Les Francs sont installés depuis le 2e siècle et gardaient les frontières dans l'Empire romain, donc c'est juste délirant. Oui, alors le truc, les migrants, non mais c'est intéressant, alors moi j'ai retourné l'argument, j'ai dit, vous avez totalement raison, je suis totalement d'accord avec vous, vous avez absolument raison de dire que les Francs, les Burgondes, les Visigoths étaient effectivement des migrants. Parce que à l'époque, aussi, c'était des gens agressifs, armés, des colons qui voulaient conquérir la Gaule et qui se sont établis par la force. Donc je suis absolument d'accord avec vous. Comment dirais-je, les masses de nègres et de crouilles qui convergent vers l'Europe et vers la France sont effectivement des conquérants. Et effectivement, ce sont aussi des migrants de même nature. Si je pouvais me permettre d'ajouter, et aussi à l'époque, il fallait voir que la Gaule, comme on l'appelait, qui n'était pas son vrai nom, hein, était aussi administrée par des étrangers cosmopolites et décadents. Oui, l'Empire romain. Ouais. Bah, encore, enfin, ils avaient recruté localement. Mais, oui, mais on a bien remplacé le terme d'invasion barbare par celui de migration barbare. Ah, je découvre ça. Ah non, maintenant, on a totalement remplacé ce terme. On parle pas d'invasion, de migration. C'est... Les migrations d'histoire, on parle de ça. Ouais, mais barbare, c'est déjà trop violent. Je veux dire, pourquoi pas migration tout court? Bah ouais, c'est effectivement. Donc nous sommes tous des migrants. Même à la limite, pourquoi pas enrichissement. Point barre. Enrichissement. Enrichissement. Par migration tranquille. J'aime bien moi, ça de Sarkozy, migration ça, tranquille. Les migrations tranquilles entre le 5e et le 7e siècle. Bah oui, avant on avait l'EMT à l'école, c'était éducation manuelle et technique. Maintenant c'est enrichissement par migration tranquille. Ah voilà, c'est bien. Voilà. Nouvelle matière. Voilà. Du coup, Vercingétorix était donc le précurseur de Le Pen. Ah oui. Bah oui. Et d'Adolf Hitler. Oui, et d'Adolf Hitler. Ou alors, Adolf Hitler s'est inspiré de Jersey Boys. Ah, mais c'est pareil. Oui, oui, c'est pareil, exactement, c'est pareil. Voilà. Et bon, écoute, ça, tu vois, c'est toute la l'hypocrisie de l'éducation nationale. Je te coupe tout de suite, tu reprends derrière. Il faut pas dire éducation nationale, c'est rééducation post-nationale. C'est mieux. Oui, effectivement. Non, mais ils sont toujours très prudents lorsqu'il s'agit de faire des analogies historiques qui ne vont pas dans leur sens. Alors, ils te disent toujours « Ah, c'est plus compliqué que ça. T'as des profs, des sachants qui t'expliquent que l'histoire, c'est compliqué, etc. etc. » Ouais, t'es trop con. Mais par contre, quand il s'agit de faire des raccourcis historiques qui sont juste absolument délirants, et de comparer effectivement la quelques dizaines de milliers de guerriers qui effectivement ont intégré par les armes, hein, c'est pas fait tranquillement, l'élite romaine, ils t'expliquent que c'est des migrants. Hein. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Non, mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien l'analogie en fait, il faut la retourner. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une conquête violente par des migrants. Et que les ouais, enfin, le guerrier franc, si tu veux, il avait quand même beaucoup plus d'allure que le nègre qui touche les allocs, hein. Excuse-moi. Je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je pense que le migrant germain était globalement quand même bon, un être assez rustre par rapport, on va dire, aux Romains. Il y a une différence entre rustre et simiesque, quand même. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait un espoir quand même dans la race germanique, et d'ailleurs, elle a tenu toutes ses promesses ultérieurement. Quoi. En ce qui concerne le nègre, on sait pertinemment, et c'est sur la base des données qu'on a, on sait pertinemment que le nègre... Le nègre est un fléau. Dans 1000 ans, il sera au même point que maintenant. Il va rien se passer, c'est juste pas possible. Et malheureusement pour lui, malheureusement pour nous... Le nègre aussi tient ses promesses. Il y a eu un espace-temps trop fort entre ces groupes humains, entre le groupe humain, je veux dire européen, voilà, même asiatique. Hein, il y a eu une distance de temps trop forte par rapport aux capacités, et on ne le comblera pas de notre vivant, sauf révolution technologique où là on arrive, on vous programme des nègres à 152 QI. À ce moment-là, c'est formidable parce qu'on pourra changer les phénotypes et tout. C'est comme on se tendra les cheveux, quoi. Je veux dire, je serais translucide un jour, le lendemain je serais violet, enfin, j'en sais rien, mais en attendant, sur la base de ce qu'on a, c'est clair, le nègre il est condamné par sa propre stupidité héritée. C'est pas moi qui l'invente, c'est juste les faits, quoi. C'est juste les faits. Ouais, ouais, non, mais d'où sa propension à se reproduire avec des blanches. Ah, ça va pas le sauver, le pauvre garçon. Sa volonté, bah si, ça sauvera, ça l'améliorera sa descendance. En flinguant celle des blanches. Ah, regarde, on parlait des Antillais. Les Antillais, il n'y a pas plus haineux contre les Africains que les Antillais, mais il n'y a pas plus haineux non plus contre les Blancs. Je suis d'accord, mais le métissage, c'est toujours la merde. Et il n'y a pas plus fainéant. Hein. Ah, ça, c'est universel. Ça devrait être garanti. Alors, j'ai peur que le métissage, avec vu les proportions de nègres qui se préparent en Afrique, soit quand même très très foncé. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oui, et ce sera très, très limité aussi. Il y a de fortes chances. Alors moi, j'ai juste un dernier truc à rajouter sur le livre pour reprendre mon propos, oui. Qui disait il faut surtout pas innocenter le prof lui-même en disant que c'est la faute du ministère, machin, machin. Non, non, non, parce que les livres eux-mêmes, ils sont pas écrits par le ministère. Hein. Il faut regarder la première page, les livres sont tous écrits par des profs. Alors moi, Donc, je veux souligner une chose. C'est bel et bien des profs. Je veux souligner une chose, la CIA a déjà ses entrées depuis plusieurs années, ça fait même un bon paquet de temps, une dizaine d'années, contrôle le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation français. C'est pas moi qui l'invente, c'est les câbles diplomatiques de l'ambassade des États-Unis en France, dans laquelle la CIA se vante de contrôler le ministère de l'Intérieur français. Voilà. Alors la CIA, c'est contrôlé par qui? De l'Intérieur ou de l'Éducation nationale? C'est contre la tête. Et ils n'ont pas créé une division au niveau d'un syndicat aussi non plus? C'est pas le SNES-FSU qui est une création Il y a plein de trucs, si on peut rentrer, la lutte contre la CGT, ça, il y a plein de trucs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'après les câbles diplomatiques dont on a, grâce à Wikileaks d'ailleurs, que l'on connaît, la CIA contrôle en partie l'éducation nationale française, et c'est à elle qu'on doit, enfin c'est au sale nègre Obama et à la pourriture cosmopolite qui l'entoure que l'on doit cette reprogrammation et d'autres programmes, notamment grâce à l'ambassadeur Rifkin, qui n'est pas catholique, qui n'est pas musulman, je précise. C'est à eux qu'on doit tous ces programmes subversifs, tous ces trucs. Quand vous entendez voilà, des trucs sur le genre, écoutez, c'est des programmes. C'est pas l'air du temps qui fait que c'est pas tout d'un coup comme ça. Les gens se sont dit non, ce sont des programmes, c'est financé, il y a beaucoup d'argent derrière et il y a des plans. Et quand je vous dis que le ministère de l'Éducation nationale est contrôlé en partie par les gens de la CIA, en sachant que la CIA est plus ou moins en fait une antenne trotskiste, voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. L'influence au sein de la CIA n'est pas musulmane, elle n'est pas catholique, elle n'est pas davantage protestante. On s'entend, voilà. D'accord, Max. Alors, les Jeux Olympiques, Astérix. Ah, les jeux olympiques. Alors, les Jeux Olympiques ont été décidés pour Paris 2024, Los Angeles 2028. C'est très curieux ça. Tout d'un coup, il y a eu un accord. Il n'y avait pas de suspense, tu vois, sur la succession des jeux. Bizarre. Là, je vais m'abstenir de tout commentaire. Je vais faire la tour de table. Je vais commencer par toi. Astérix, qu'est-ce que tu en dis, toi ? Bah écoute, moi j'en dis pas, j'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est que j'ai vu la propagande, enfin, j'ai beaucoup subi. Attends, je te coupe. Astérix, je te coupe. Je m'attends à ce que tu dises, ouais, super, formidable, la France a les jeux, c'est excellent pour l'image du pays, etc. Donc, pourquoi ne pas être positif là-dessus ? C'est ce que je veux t'entendre dire. Pourquoi ne pas s'en jouer sur ce choix-là ? Ah, bah parce que les Jeux Olympiques sont devenus, comme la Coupe du Monde de foot, sont devenus le premier outil de la propagande métissolâtre. C'est vraiment insupportable aujourd'hui. Le sport est vraiment relégué au second plan. Ensuite, c'est la victoire de gens que je déteste déjà, parce que j'ai vu Hidalgo et compagnie se réjouir, et rien que ça, déjà, ça me peine. Mais non, moi, c'est les Jeux Olympiques, je supporte plus. C'est systématiquement, même dans... Puis alors aujourd'hui, où t'as Teddy Riner au judo et tout, il n'y a plus aucun sport qui est épargné, quoi. Il y a plus... Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut dire sur les Africains, enfin, c'est des questions de morphologie, quoi. Mais il y a certains sports où forcément, ils seront toujours très, très forts, quoi. Parce qu'ils ont tous les sports, en fait, qui ne demandent pas d'intelligence, en gros. Et ils seront toujours très forts dans ces sports-là parce qu'ils ont des fibres explosives, quoi. Ils ont une capacité à l'explosivité qui fait que sprint, boxe, alors aux Jeux Olympiques, tu t'en bouffes vraiment à en vomir tes tripes, quoi. C'est matin, midi et soir. Et puis moi, je suis un grand fan de sport. Alors, j'écoute malheureusement la radio sportive RMC. Et alors, il y a la Marie-Zévan GP, là, il faut l'insupportable négresse de Moscato, qui est vraiment, qui vient faire sa propagande dans une des dernières émissions potables, une des dernières émissions gauloises de la radio française. C'est cette négresse infâme vient faire quand même sa petite propagande systématique, à chaque fois à chialer sur le racisme, alors qu'elle est là à se trimballer, je sais pas combien elle gagne, mais elle gagne 10 fois ce que gagne tout. Putain, c'est à gerber. Pour ceux qui la connaissent, elle est vraiment à gerber, cette fille, quoi. Faussement intelligente, faussement la guenon savante, quoi. Tu dis, elle s'appelle comment ? Maryse et VenGP. Mais attention, parce que dans ce cas, quand nous qui sommes habitués à parler de Taubira et tout ça, dans le cadre de la propagande, c'est vraiment un tout petit poisson, là. Hein. Mais moi qui aime le sport, je peux plus supporter ces gens qui utilisent le sport à des fins de propagandistes. Et d'ailleurs, ouais. Même moi qui suis un nationaliste, je le fais pas trop, tu vois. Je pourrais me permettre de dire que systématiquement, quand il y a de l'homogénéité raciale, on gagne, tout ça. Je pourrais le dire à chaque fois que je parle de sport, mais je m'occupe de pas trop le faire parce que j'ai tellement été répugné par tous ces gauchistes qui se sont emparés du sport et de mon sport préféré qui est le foot, qui aujourd'hui est devenu vraiment insupportable, quoi, à suivre. Alors heureusement au tennis les quatre mousquetaires dont deux qui étaient noirs, heureusement eux ils se sont cassés la gueule, ils sont passés à la poubelle, ils sont dans les poubelles de l'histoire. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça nous fait quelques propagandistes en moins sur le tennis, quoi, parce que là on a plus personne et les derniers qu'il y a c'est plus que des blancs, quoi. Puis en plus, alors, ils sont pas très forts. Mais... Dommage, d'ailleurs, pour le coup, puisque ce sont des blancs. Enfin bref, les Jeux Olympiques, ouais. Désolé de m'étendre, mais en fait, je vous dis, moi, je suis écœuré parce que je m'en prends plein la gueule et pour moi, c'est une défaite, mais c'est une défaite plus globale. Pour la France, parce que ça va importer. Enfin, déjà, ça va montrer la France pour ce qu'elle est au peuple du monde entier. Donc, ça va être une catastrophe parce que c'est en 2020, je crois, c'est ça, Gandalf ? 2024. Vous vous rendez compte dans quel état sera la France en 2024 ? Donc, c'est vraiment. Ça va être les Jeux Olympiques de l'Apocalypse, quoi. Il y a eu le dernier pape, je pense que ce sera les derniers Jeux Olympiques. Alors, ce qu'il y a aussi, ce qu'on va avoir, hein, c'est qu'ils vont construire apparemment tout ce qui est village olympique, etc., dans le 93. C'est-à-dire qu'on va, on va construire des cases, on va caser encore plus de nègres. Ouais, Et est-ce qu'on va avoir, comme au Brésil, des cas de sportifs africains qui vont disparaître dans la nature en arrivant sur le sol français ? Qu'est-ce que ça, c'est à tous les coups, oui. Ouais. Bah, les Africains, les Cubains aussi, ça, c'est le nouveau truc. Les Nord-Coréens disparaîtront pas parce que sinon leurs familles se font fusiller. C'est vrai qu'ils ont trouvé la solution. On dit trop de mal de la Corée du Nord. C'est vrai. Il y a la dissidence qui va nous casser les couilles. Bah oui, mais bon, on dit trop de mal de la Corée du Nord parce que c'est le seul pays dont les métèques, quand ils fuient, tu vois, leur famille se fait fusiller. Tu vois, ça serait tellement plus simple. Mais c'est vrai que oui, c'est un pays qui est... De ce côté-là, ouais, on les empêche de fuir, quoi, donc c'est bien. Voilà. Dans le stade, t'auras d'un côté la tribune de l'Allemagne pleine à craquer, puis de l'autre côté la tribune vide avec juste Vincent Lapierre au milieu avec son drapeau de la Corée du Nord. On aimerait bien que le régime algérien ressemble un peu plus à celui de la Corée du Nord, c'est sûr. Hein. Alors donc, pour en venir aux Jeux Olympiques, vous dites... Alors j'ai vu un commentateur sur Facebook... qui a dit que ce serait la première fois que c'était formidable que Paris soit choisi pour les Jeux Olympiques 2024, parce que pour la première fois, l'Afrique aurait enfin ses Jeux Olympiques. C'était sur Twitter. C'était sur Twitter, d'accord. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme concept. Ah bah c'est surtout très vrai. C'est ça, oui. Alors en plus, il n'y a pas que les Jeux Olympiques sportifs, c'est-à-dire qu'il y a des disciplines. Des disciplines parallèles qui vont aussi pouvoir s'étendre. C'est le pickpocket, le vol d'autoradio. Enfin, les Roms là vont pouvoir s'illustrer. Là, je pense qu'ils vont apporter beaucoup à la. Au JO, quoi. Ça va être bien. Ah bah ça va être le Brésil, mais avec beaucoup plus de diversité en réalité, parce qu'au Brésil, les déprédations, ce sont toutes les mêmes. C'est des négros bourrés de crack qui arrivent et qui... Non, il y a deux types de déprédations. Il y a les femmes qui te foutent des pilules de GHB, et puis t'as les négros qui te foutent un flingue sur la tempe et puis qui vont tout prendre et parfois t'enculer s'ils ont ce penchant-là. Mais en France, bah, il va y avoir toutes sortes de déprédations, quoi. Tous les types, toutes les couleurs, tous les formats. Donc ça va être un formidable voyage pour tous les joyeux supporters qui vont venir ici. On va encore avoir des hooligans russes qui vont défoncer quelques racailles, des hooligans anglais se faire défoncer par les racailles. Parce que les hooligans anglais, bon, ils sont bons, ils savent se battre à coups de chaise, mais ils sont complètement bourrés. Ils arrivent contre des racailles qui se battent au couteau. Par contre, les hooligans russes, j'ai vu sur Marseille, ils avaient même mis les racailles à l'amende. Donc ça, c'était sympa. Enfin bref, on va avoir tout ce spectacle-là. Ouais, attends, les hooligans russes, excuse-moi, c'est des fous, quoi. Ils sont élevés à la vodka, déjà, élevés sous la mer. Non, les pires, en fait, franchement, non mais... bon. À voir, à étudier, vous voyez, mais les hooligans russes, c'est quand même pas non plus... Là, les Marseillaises, c'était un petit peu endiablé, quoi. Tu as raison. Elles ont pris la correction de leur beau jour, quoi. Ah, mais les Anglais, enfin, en fait, sur les Anglais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Rendons justice aux Anglais sur cette affaire-là de Coupe du Monde et tout. Putain, il y avait une Coupe du Monde en France. C'est la Coupe d'Europe, c'est ça, Coupe d'Europe, je crois. Ouais. Ouais, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les services de police français ont quand même retenu, en fait, tous les gros costaud du hooliganisme anglais. Ils les ont bloqués dans des hôtels, ils ont empêché de partir même d'Angleterre et tout. Ce qui fait qu'en fait les Russes, ils ont joué avec les pisseuses, quoi. Bon. Bah disons qu'il y avait eu la Coupe du Monde en France où tu avais le fameux gendarme qui a fini peu cher à moitié légumes à cause des Anglais. Donc là, je te garantis que les flics, ils avaient dans le collimateur, quoi. Ouais, clairement. Et donc, en fait, quand il y a eu la confrontation avec les hooligans russes, en fait, les tapeurs anglais, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient bloqués à l'hôtel. Ils pouvaient pas cogner, quoi. Donc, les Ruskov, ils se sont amusés. Et bon, ils ont boxé les filles qui avaient. Bon, voilà. Autant pour moi, c'était des Allemands, hein, le gendarme. Autant pour moi. C'était des Allemands. Ouais, mais les Anglais avaient foutu un bordel à Marseille, pas possible. Ouais. Mais bon, voilà. Non, on va se régaler. Mais parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, comment ça s'est passé tout ça? Il y a, en fait, la France, enfin Paris, Hidalgo, accompagné de Riner, je pourrais pas vous dire qui était tout. Enfin, dans son premier bas droit, c'était un blanc, c'était Tony Estanguet, un mec sympa qui fait de l'aviron, du Béarn. Mais ils ont axé toute la campagne sur le cosmopolitisme. En réalité, ils ont dit, voilà, Paris, c'est la ville, et donc c'est tellement atroce, quoi. C'est-à-dire, c'est la victoire, en réalité. Ils n'ont pas du tout axé le truc sur le côté sportif des Français, à quel point tous nos grands champions... Enfin, évidemment, il y avait des grands champions qui ont fait la campagne pour la France, mais ils n'ont pas axer la campagne sur le côté performant de la France, évidemment, puisque la France n'est plus performante, sur le côté professionnel de la France, non, sur le côté cosmopolite de la France, c'est uniquement ça. Et ils ont gagné à travers le monde, donc après c'était entendu. Alors moi je remarque que, comme tu le dis, on a eu les Jeux Olympiques, on a eu la Coupe d'Europe, plus la France va mal, plus on nous organise du cirque, de la... Oui, je pense que ça joue. Et bon, je pense que ça va aller de pire, de mal en pire, quoi. Ouais, mais je pense que ça joue vraiment. Ça, c'est un. Ah, c'est une discussion qui mérite d'être tenue, ça. Très honnêtement, je comprends qu'on aime un club. En fait, je comprends qu'on aime un club. Je comprends qu'on aime une discipline et tout. Ça, c'est pas un problème. Volleyball, football. Peu importe, enfin, on a le droit d'avoir une passion, d'aimer la performance, c'est bien, même, en fait. Mais aujourd'hui, il y a une... c'est nourri dans un but de perversion. C'est pas le fait de divertir. Tout le monde a besoin de se divertir. Moi, j'ai besoin de me divertir. On est tous comme ça, quoi. Genre, j'ai besoin de souffler, quoi. Normal. Mais là, c'est pas du divertissement pour souffler un petit peu, pour relâcher. C'est vraiment pour pervertir la population. C'est pour la rendre plus bête, plus plus avilie qu'elle n'est et plus malléable. Et vraiment, je ne vois plus de caractère français dans ces compétitions internationales. Je ne vois plus de caractère français. Je ne trouve pas le caractère français. Bah après, quand t'aimes le sport, tu trouves que t'es identitaire, tu trouveras toujours ton petit truc pour te satisfaire. Voilà, tu vois, par exemple, il y avait le coureur Lemaître là qui moi m'avait fait plaisir aux Jeux Olympiques. T'as toujours au foot, t'auras toujours Lionel Messi qui dribblera 4 ou 5 Sénégalais ou 4 ou 5 Ivoiriens. T'auras toujours des trucs, t'auras toujours Roger Federer qui arrivera et qui te mettra Gaël mon fils sur le cul. Donc tu peux te satisfaire quand même de performances individuelles, de voir la réalité briller de mais moi c'est pas ça. Oui, parce que c'est pas Colonel qui font du sprint quoi, hein. T'as quand même des sports, bon c'est voilà, c'est t'as pas mal de blancs quoi. Ah bah oui, mais ce que je veux dire c'est que bien sûr, mais on a il y a plus les enfin moi j'invite les gens, je veux dire regardez Le triomphe de la volonté, regardez-le. Il y a aussi les Jeux Olympiques de Berlin, mais si vous voulez voir ce que c'est vraiment le monde européen, plus ça va, c'est très inquiétant en fait. C'est très inquiétant. Parce que plus on s'éloigne de l'Europe européenne, parce que pour nous, c'est des acquis, même pour ma génération, c'est un acquis. L'Europe européenne, c'est un acquis, vous voyez. Nous allons vers un univers où non seulement ce n'est pas un acquis, mais c'est un problème. L'Union européenne, Bruxelles, le gouvernement français, les différentes associations, etc. J'en ai parlé. C'est un problème et ça doit être résolu. Tout problème appelle une solution, n'est-ce pas ? Et dans le sport, n'est-ce pas, de voir de beaux Européens relever en fait un défi. Ça y est, c'est bon, c'est déjà un souci, quoi. C'est pollué de nerfs. Moi, je n'en peux plus des nerfs. En fait, moi, je dirais toujours ça. Je veux dire, n'oubliez jamais que le sport n'est qu'un prétexte. Le sport est un prétexte à se retrouver. À la base, si vous voulez. Maintenant, là, c'est la négrification, l'internationalisation. C'est un peu plus que ça, le sport. Le sport est religieux. Hein. Le sport a une vocation religieuse. Mais j'ai vu mon santé là un petit peu. J'espère que ce que je vais dire n'a pas été dit précédemment. Vous savez, moi j'ai remarqué une petite chose, c'est que, prenons le cas du football, mais c'est certainement valable pour d'autres sports, lorsqu'on voit des rencontres internationales, on voit les joueurs, les équipes qui sont présentées, et on a une publicité, c'est le cas en Belgique, mais c'est certainement le cas ailleurs. L'on voit des joueurs reconnus dire chacun à leur tour no to racisme. Bien sûr, alors, c'est politique. Vous êtes. On vit dans un système socialiste. Platini l'a dit. Il a dit voilà, moi, mon objectif quand je serai. Maintenant, il a été plus ou moins viré, mais mon objectif, c'est de lutter contre le racisme. Je veux dire. Ça ne loupe pas, quoi. Je veux dire, les organisations internationales sont complètement intégrées. C'est des gens, ils sont très puissants. Ça passe par le foot, ça passe par plein de trucs. C'est beaucoup plus large qu'on ne pense. C'est pas juste le foot, juste un peu la finance. Non, c'est tous les aspects de la vie quotidienne. C'est décidé à très haut niveau. Pourquoi ? C'est pyramidal. Tout en haut de cette pyramide, vous avez les mêmes gens qui se fréquentent. Je veux dire, c'est des grosses puissances d'argent. Et ils veulent bien façonner la société d'une certaine façon. Donc, on en revient au même point de départ. Et c'est pas du tout étonnant de trouver, effectivement, enfin, je veux dire, l'UEFA et tous ces trucs-là, enfin, je veux dire, voilà, la FIFA, oui, luttons contre le racisme, etc. Mais va te faire enculer, quoi. Va te faire enculer, je veux dire, s'il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas de football. S'il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas de football. Va te faire enculer, quoi. S'il y a et bien autant. Je veux dire, autant on est des losers. L'Europe, et nous en Europe, on est des losers sur absolument tout depuis 1914. Ok, on a tout perdu. Mais il y a un truc sur lequel on a une superpuissance, c'est le football. Il n'y a pas un continent sur la planète qui peut contester le leadership européen sur le football. Mais qui nous lâche les burnes, je veux dire, qu'ils arrêtent de nous casser les burnes avec leur histoire de racisme, etc. Parce que c'est les Européens et l'Europe qui est la locomotive du football. Je veux dire, C'est un exemple. Or, oui, or, je voulais achever, c'est que, oui, c'est non du racisme, mais le problème, oui, c'est qu'au départ, lorsqu'on regardait il y a, je ne sais pas, un demi-siècle d'ici, l'équipe de, je ne sais pas moi, du Guingamp, n'importe quoi, c'était l'équipe locale. C'était des gens qui n'étaient jamais très éloignés, de la ville représentée par l'équipe. Or, pour les nations, c'est exactement pareil. Or, maintenant, on voit le football national ou local carrément envahi par la négritude. Ouais. Et le problème, c'est que dans l'instinct des gens, et je dirais même plus précisément des simplistes, voire des simplets, ils s'identifient comme nos aïeux s'identifiaient à leurs équipes, parce que leurs joueurs, leurs sportifs étaient issus de la région. Ils étaient des gens du cru. Et aujourd'hui, on nous laisse entendre que les gens du cru, pour nous, pour les simplets et les simplistes, sont, pour nombre d'entre eux, des nègres. Et on s'identifie aux nègres. C'est ça le côté pervers de la chose. Ouais. Ah oui. Ah, et là, ils se sont attaqués maintenant, parce que le foot, bon, c'est acté, la propagande a marché, maintenant, ça, c'est une machine qui roule toute seule, quoi, elle est automotrice, mais ils s'attaquent au rugby, là, faut voir. Ouais. Alors, au rugby, ce qui est incroyable, ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en équipe de France, on peut même faire jouer des étrangers. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas encore fait jouer des Noirs et tout ça, parce que malheureusement, les Noirs ne sont pas très forts. C'est un sport aussi où il faut beaucoup utiliser sa tête. Non, mais là et... tu peux mettre du Fidji et compagnie. Là, tu peux y aller. Bah, là, ça avait été fait, mais c'était Il va y en avoir dans l'équipe de France, parce qu'ils ont le droit, en fait. C'était des Blancs sud-africains. Naturalisés, juste pour une compétition, en fait. N'importe quoi. On marche sur la tête complètement. Bah, de toute façon, il y avait un problème avec le rugby. Je me rappelle très bien de l'équipe de France. Bon, il y avait Blanco, bon, d'accord. Blanco dans les années 90, ok. Fais-moi peur. Non, le problème de l'équipe de rugby, c'est qu'elle était blanche. Désespérément française, quoi. Tu vois, mais vraiment désespérément française. Et j'aime autant vous dire que le gouvernement français a planché là-dessus. Mais vraiment, c'est évident. Ils ont planché, ils se sont dit non, c'est pas possible. On peut pas avoir une ligue de. On peut pas avoir ça. Des éducateurs envoyés pour apprendre le rugby en banlieue et tout, bien sûr. Ah ouais, je sais pas. Ils ont dit, mais foutez-nous des nègres, moi, qui arrivent au moins à jouer 90, enfin, je sais plus, 80 minutes ou un truc comme ça. Foutez-nous ça, quoi. Et moi, je l'ai vu, parce que, enfin, moi, je suis pas un fan de rugby. Mais j'ai vu l'évolution. Il y avait Blanco à l'époque, on s'en rappelle. Mais on s'en foutait, quoi. Vraiment, on s'en foutait. Mais à la fin, c'est surtout au milieu des années 2000, quoi. Et là, j'ai senti le malaise. Parce que moi, je regardais l'équipe de rugby française, il n'y avait que des Blancs. Il n'y avait que des Blancs. Et je me disais, même mes collègues, les gars, cette équipe pose problème. C'est un problème en Europe. Pour le gouvernement français, c'est un problème. Ils vont régler le souci. Et ils vont le régler, vous allez voir. Et moi, je disais ça comme ça. Genre, j'en ai rien à branler du rugby. Je passe les détails, quoi. C'est un sport que je trouve assez beau, mais peu importe. Mais j'avais dit à mes collègues, vous allez voir, ils vont s'occuper du problème. Alors, effectivement, ils ont commencé à réaliser que c'était. Ils en ont mis un. Maintenant, je veux dire, genre l'équipe de France, je me dis, putain, la vache, c'est l'équipe d'Europe la plus multicolore. Mais d'ici quelques années, ça va être comme l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des nègres. Alors, pas tout de suite, pas dans un an, pas dans deux ans, ça va être dans 10 ans, 15 ans. Mais il n'y aura que des nègres. Pourquoi ? C'est politique. Vous avez des gens en France. Ils ne sont pas nombreux. C'est quelques centaines. Maximum quelques milliers. Mais surtout quelques centaines de personnes qui ont décidé que la France serait un pays mulâtre. Si vous ne résistez pas, j'aime autant vous dire que votre équipe nationale de ping-pong, ça sera l'équipe du Congo. Ça va arriver là, l'équipe de France. Ça risque d'être difficile. Hein. Parce que s'il y a bien un sport qui demande un QI élevé, c'est le ping-pong. Ils vont faire des expériences et tout en génétique. Ils vont créer des mecs qui seront des professionnels du ping-pong avec la pigmentation des Congolais. Ils vont te le faire. La France est dans un programme de négrification radicale de sa population. Non, mais au ping-pong, ils peuvent s'en sortir parce que C'est vrai, il leur faut du nègre partout, mais ils peuvent accepter l'exception du ping-pong parce qu'ils ont des Chinois, donc ils disent bon, c'est bon, c'est quand même pas. Ah oui, j'ai vu ça. Oh mon Dieu, mais vous avez la même chose. Pendez-les, franchement. Appel à la violence. Mais qui? Il y a un truc qui m'étonne, moi, c'est que si le sport en soi est un vecteur, à mon avis, antiraciste. C'est-à-dire que je trouve que leur propagande va contre leur jeu, en fait. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais tu vois, quand, le sport, étant donné que c'est le royaume, c'est le domaine de la performance pure, tous ceux qui... Enfin, c'est, à partir du moment où quelqu'un brille par sa performance, je pense que tous les amateurs de boxe qui avaient leur carte au Front National appréciaient Tyson. Il y a des choses où à un moment donné le génie, la performance pure dépasse tout quoi. C'est un peu comme l'art. J'avoue qu'il n'y a aucun artiste noir que j'admire. Mais il y a des gens qui disent que par exemple il y a des jazzman très performants, tout ça, patati patata. Bah dans ce cas, dans ces choses là, si tu veux, l'art comme le sport sont des vecteurs en soi, c'est comme la religion, ça dépasse le cadre identitaire intrinsèquement, quoi, de nature. Donc je vois pas pourquoi ils poussent comme ça sur le truc, parce qu'en fait ils vont nous dégoûter totalement. Par exemple, moi je peux plus supporter Teddy Riner, alors que le gros Teddy Riner, il a rien fait de mal, quoi. Je suis pas d'accord. Riner, non, je suis pas certain. Je vois ce que tu veux dire. Alors Riner, d'abord, d'instinct, ça sent le frimeur. Bon, je vais pas être trop méchant avec lui là-dessus, bon. Bizarre, parce que j'ai pas de confirmation, mais ça sent un peu le frimeur. Ceci étant dit, je veux dire, ça a pas l'air d'être la mauvaise patte. Honnêtement, je veux dire. Moi je l'ai vu. Moi très honnêtement, Riner, bon il a un physique hors norme, mais je sens quand même le nègre. Hein. Alors, non mais au-delà de ça, moi je l'ai. Attends, c'était au comment dirais-je, Jeux Olympiques, c'était cet été là. Je m'en rappelle plus. C'est pas cet été les Jeux Olympiques, c'est quoi cet été? Non, mais il a eu son 7e triple, je crois. Je pose la question. Riner, il gagne tous les ans les championnats du monde. Ah là, c'est des championnats du monde, il y a deux mois là. Non, mais attendez, c'était quand les Jeux Olympiques? Je m'en rappelle plus, c'était il y a un an? Ouais, je crois, oui, c'est ça. Et donc, la dernière fois, c'est. D'accord, les championnats du monde. Bon, j'ai vu Riner contre le japonais. Riner a refusé le combat. Il a fait sa branleuse. Honnêtement, il a fait sa branleuse. On voyait bien, il ne voulait pas le combat. Il a attendu, machin, il a joué, etc. Il a gagné au point. Il a fait sa pédale, quoi. Je veux dire, le mec, ça peut être une montagne, il casse le cou en 3 secondes. Mais n'empêche que, moi, je l'ai vu pratiquer. Je m'attendais à un vrai combat, quoi. Je me disais, bon, il va faire son truc, tu vois. Non, c'est une grosse pédale qui jouait au point, il regardait l'arbitre et tout. Il a daigné le combat à son opposant. Et effectivement, il a gagné, quoi. Tu vois, et là, j'ai dit, d'accord, ok, t'as livré ton fond. Et n'importe quelle personne qui... Moi, je suis pas un spécialiste du tout du jeu, j'ai compris et tout le monde a compris, quoi. C'était évident, quoi. Et ce mec-là, je me suis dit, d'accord, ok. C'est un putain d'escroc pour qui l'image... Pour qui l'image est fondamentale. C'est un mec, il a envie d'exister au niveau de l'image. C'est un frimeur. Va te faire enculer. Mais va te faire enculer, quoi, tu vois. Ouais, je sens qu'on va le retrouver en politique, le nègre Riner. On va le renommer Teddy Rinègre. Oh. Non, mais Teddy Nègre, je veux dire... Non, Teddy Rinègre. Si le type avait été un sportif réglo et tout, il avait fait son truc. Non, c'est évident, c'est un escroc. Ce type est un escroc. Alors, peut-être que l'exemple peut-être que c'était un mauvais exemple. Ce type-là mérite peut-être toute notre haine. Mais moi, il me dégoûte absolument de tous les sportifs noirs. Il n'y en a plus un seul que je peux supporter. Mais en fait, le problème Astérix, si tu veux, c'est qu'il n'y a que des mauvais exemples. À la base, moi, je n'ai pas du tout cette tendance-là. Le sport... non, il y a encore, il y en a qu'un qui trouve grâce à mes yeux, parce qu'il tombe pas dans le jeu médiatique, il donne pas trop la parole, c'est mais c'est pas un noir, c'est Zinedine Zidane, lui ça va. Non, non, mais faut. Oh en fait, tu dis Teddy Riner, c'est un mauvais exemple. Le problème c'est qu'il y a que des mauvais exemples. Faut arrêter avec Zidane. Je veux dire, Zidane, comment est-ce qu'il a fini sa carrière? Il a filé un coup de boule à un joueur de foot italien qui lui avait dit nique ta mère. Bon ça. Écoute, non, attends. Non. Zidane, moi, c'est même, un sale bougnoule. Je vais peut-être voilà. choquer l'auditoire, mais moi, le coup de boule de Zidane, j'ai même trouvé que c'était. Dans l'histoire, le sémite, j'ai trouvé que c'était Materazzi. C'est-à-dire mais que d'accord, celui mais... qui. Attends. Baratine, le sémite. Des mouvements des mains, tout ça, c'est. Mais attends. Et puis celui qui est froid, et puis qui d'un seul coup dit maintenant trop, c'est trop. Bon, alors. Non, mais c'est faux. Non, c'est enfin, faux. C'est un mélange de gaulois et de bougnoulisme. Attends. Il y avait un peu de gauloisité dans le geste de non mais de... c'est faux, c'est faux putain. Attends. Astérix, il y a un truc, à un moment, arrête avec tes théories de l'esprit sémite. Non, sémite, c'est génétique. Zinedine Zidane est un sale bougnoul, Materazzi est un sale rital. Mais c'est pas la question que ce soit un sale rital. Zinedine Zidane, c'est juste un sale bougnoul, c'est tout, il y a pas oui, à tortiller plus loin. Mais t'as vu sa gueule, c'est pas non plus le prince d'Arabie, c'est pas... Ben, non, il est algérien, donc c'est un sale bougnoul. Bougnoul, ça veut pas dire arabe, hein. Bougnoul, ça veut dire maghrébin. Ah, excuse-moi oui, de m'énerver un peu, après, mais bon. Oui, je sais. Mais tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas étonnant. Non, mais écoutez, moi, je trouve que c'est un peu exceptionnel qu'ils sortent de peuple de merde. Parce que quand t'es dans un peuple de merde, tu n'as qu'une seule solution si tu veux rester dans l'humanité, c'est de t'en sortir. Il faut être fort pour t'en sortir. Donc, mais il s'en est pas sorti. Il est toujours un sale bougnoule. Bah, moi, je dirais pas que Zidane est un sale bougnoul quand il parle, quoi. Il parle pas comme un sale bougnoul. Non, attendez. Ah, si. j'arrête, pardon. Excusez-moi. Faut pas remettre des pièces dans la machine. Quoi. Ouais, c'est ça qui est pénible. Excusez-moi, j'ai 5 litres de bière dans le sang, je suis désolé, pardon. Non, mais c'est intéressant, comment dirais-je. Non, mais les JO, bon, en fait, en gros. Les gens, ils vont débarrouler à Paris, au milieu des Roms, des Nègres, machin, ça va être la foire aux pigeons comme jamais. Et bah, Anne Hidalgo est contente. Je crois qu'on peut le dire, elle est contente. Elle a l'air, comme disait mon père, c'était content. Mais bon, voilà, je crois que c'est ce qui est prévu. Bon. Qui veut rajouter quelque chose là-dessus avant qu'on se sépare? La future migration des sportifs talentueux qui vont venir sur l'île de France pour faire valoir leur talent, quoi. Moi, je veux même pas y penser, quoi. Ça me. Les futures montagnes. En fait, moi, ça me fait un peu mal au cœur parce que. Moi, j'ai une théorie sur les Jeux Olympiques, en fait. Moi, je vous la livre, quoi. En fait, moi j'ai une vision complètement fasciste des Jeux Olympiques. Je pense que c'est très noble comme sport, et ça avait une vocation religieuse, quoi. C'est de rendre hommage aux dieux notamment. Et ça devrait pas du tout être commercial. J'estime aujourd'hui que c'est un truc, c'est pour le pognon, et ça devrait toujours se passer dans le même endroit. Déjà, je pense que ça va toujours se passer en Grèce, comme à la base. Il faudrait que les Jeux Olympiques soient toujours en Grèce. Et qu'il n'y ait absolument aucune publicité. Deux conditions. En Grèce, aucune publicité. Et pas d'argent qui puisse être fait. Donc uniquement la performance sportive. Et sur un certain nombre de... comment dirais-je... d'épreuves. Et n'importe quelle personne qui est prise la main dans le sac en train d'être... de tricher, serait condamnée à vie. Enfin, serait bannie à vie, quoi, de l'épreuve, quoi. Donc... Et surtout, pas de joueur professionnel, c'est-à-dire pas de joueur qui est payé pour jouer à un sport quelconque. Ça a tué les Olympiques. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Donc en fait, l'idée, ce serait vraiment de rendre honneur en fait, au sport tel qu'il était à l'époque. C'est pas le sport comme objet en lui-même, parce que maintenant le sport devient son propre objet. Genre, ça devient le propre... C'est son propre objet, on le voit bien, quoi. Il n'y a pas d'autre fonction, en fait. à l'origine, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le sport a une fonction religieuse. Enfin, il s'inscrit dans quelque chose d'autre. C'est tout le cas aujourd'hui. Donc, il faut restaurer ça. Et les Jeux Olympiques ne peuvent pas se passer autre part qu'en Grèce. Et ils ont vocation à vivifier les participants et à montrer, au plan religieux d'ailleurs, comme à l'époque, à montrer leurs aptitudes, etc. Bon. Donc, je ne vais pas revenir en détail, quoi. Mais bon, en gros, c'est ça, quoi. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une caricature, c'est une pornographie. Pornographie de pognon, c'est pas acceptable. Et ça, il faudrait s'en débarrasser. Mais les Français se lancent là-dedans. Alors, il y avait quand même du temps, on veut dire, un peu après la Première Guerre mondiale, quelques Jeux olympiques intéressants. Alors là, on va vite dériver vers le nazisme, c'est un fait. Mais les premiers Jeux olympiques, vous voyez, juste après la Première Guerre mondiale, assez élégant, quoi. Genre, c'est assez élégant. Il y avait toujours le caractère français, le caractère allemand, britannique, enfin, toujours un petit peu de la belle époque, quoi. Ça avait survécu. Le triomphe de la volonté, évidemment, de Leni Riefenstahl, Olympia, j'invite à regarder, quoi. C'est en ligne, hein. Vous pouvez regarder sur YouTube. Voilà, là, vous avez la manifestation du corps européen magnifié, quoi. C'est, enfin, on retrouve l'esprit païen, quoi, vraiment de l'européen qui se projette, quoi. Ça, c'était présent à cette époque-là, en 1936. Peut-être que d'ailleurs ça a coûté trop cher à Hitler d'avoir tenté ça. Maintenant, on est dans la porno, dans la basse pornographie. On essaye de mesurer les performances. C'est laid, c'est moche. Oui, voilà. Ça n'offre rien. La beauté a été complètement chassée. On a de tout. Je veux dire, on a du bamboula qui sort du fin fond de l'Afrique. Je sais pas, la Somalie, le mec, il fait un demi centième de plus que l'autre. Qui vient de la Mongolie extérieure, ça n'a plus rien à voir avec la fonction originale du truc. Quel intérêt. Non, je veux dire, la question que je veux poser, en fait, c'est pourquoi la France, et même pourquoi une nation européenne, voudrait créer des Jeux Olympiques aujourd'hui? Pourquoi? Quel est le but? Qu'est-ce que vous recherchez? Des touristes. C'est pourquoi organiser des. Pourquoi organiser une performance sportive où les gens ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes? Qu'est-ce que vous recherchez? Et en fait, vous avez répondu, en fait. Voilà, le pognon, le truc, le machin, ça dure 15 jours. En plus, c'est 15 jours, quoi. Pendant des années, presque une décennie. Aussi, le pognon. Pendant une décennie, les types vont consacrer des milliards d'euros. Et rien, quoi. Je veux dire, ça va durer 2 semaines, comme au Brésil. Vous avez vu les jeux olympiques brésiliens? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était médiocre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est de la vraie merde. Tout ça, c'est plus que de la merde. De toute façon, t'as raison. Ils sont en train d'infecter d'ailleurs les deux, un domaine sacré, quoi. Le sport, c'est pas de la blague. C'est bien plus que. Enfin, comme tu l'as dit, à l'époque, c'était les dieux, mais même sur le plan spirituel, c'est. Il y a tout un tas de choses qu'il y a dans le sport, c'est la communion, c'est la joie, mais la communion, je parle pas de la communion des peuples, je parle de la communion d'un peuple, de l'équipe, des gens dans la joie, dans la défaite, c'est le dépassement de soi, d'ailleurs en Europe, c'est la dernière chose qui nous structure, hein. Ce qui fait qu'il y a encore des hommes supérieurs en Europe, c'est plus la religion, parce que c'est plus le catholicisme qui fait des individus supérieurs aujourd'hui. C'est le sport, quoi. Et de les voir qu'on touchait à ça. Enfin bref, pour répondre à ta question, le Brésil, c'était vraiment de la merde. D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque, c'était ridicule, quoi. C'était vraiment pas bon. Ils nageaient dans des piscines pleines de chiasses et tout. Enfin, c'était vraiment médiocre, médiocre. Et à l'époque, franchement, je veux dire... Dans Olympia ou dans Olympia, c'est vraiment prégnant, quoi. Il y a une beauté, quoi. Il y a une beauté, il y a une fraîcheur, il y a une générosité. Il y a une volonté aussi. Gandalf a une vision fasciste du sport. Je dirais que c'est étonnant. Je ne m'y attendais pas. Le sport est fasciste. Je veux dire, peu importe ce que raconte. Mais je veux dire, même si vous foutez c'est tout, même si vous remplissez des stades. d'athlètes nègres, c'est du fascisme. Il n'y a pas plus fasciste que le sport est la manifestation du fascisme. Le sport est fasciste par essence. C'est la performance. Voilà, c'est la performance. L'égalitarisme n'existe plus. C'est pour ça que quand je vois des gauchistes s'extasier devant le sport, ces mecs-là... Moi, je vois ces gens-là comme des resquilleurs. C'est-à-dire qu'ils s'invitent alors qu'ils ne sont pas invités. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est rare qui, du coup, le sport. Je te prends là-dessus, Astérix, par la suite, un très gros programme. Astérix, du coup, en conclusion, les JO 2024, commentés par Montel et Bruno Roger Petit, qu'est-ce que ça te fait comme impression? Déjà, avant 8 ans à l'avance, qu'est-ce que ça te fait? J'ai plus de tripes, j'ai tout laissé sur la table. Non, bah, ça me fait gerber tout ce que j'ai bouffé depuis que je suis né, quoi. Donc quelque chose qui aurait pu être bien est déjà salopé parce qu'en fait, sacré, plus que bien, sacré. C'est un moment, c'est pour ça, c'est insupportable, vraiment, quoi. Quelqu'un qui veut rajouter peu importe quoi, réagir là-dessus, sur tout ce qu'on a discuté. Bon, je crois que les gens que vous avez cité les noms qui devraient, comme par le passé, être plus près du monde du sport, représenter le monde du sport à la télévision en s'adressant aux téléspectateurs, en fait se sont éloignés du sport et ils se sont rapprochés du simplet qui est le cul dans son divan, qui bouffe ses chips, en regardant, je ne sais pas moi, le 110 mètres haies. Ils sont beaucoup plus près du téléspectateur, ils sont à l'image du téléspectateur moyen. C'est ce que je crois. Exactement. Très juste. Et d'ailleurs, dans leur façon de commenter, ils sont, tu les remarques tout de suite. Moi, je n'ai pas besoin de voir leur gueule, je sais tout de suite que c'est des gros lards, des mecs qui n'ont jamais fait de sport. Ils ne commentent pas comme les sportifs. Les sportifs sont beaucoup plus mesurés, parce qu'ils savent ce que ça coûte d'être un sportif de haut niveau. C'est des sacrifices. Franchement, je ne vais pas non plus en faire des saints, mais bon, vous le savez tous, quoi. C'est énormément de sacrifices. Déjà à l'adolescence, quand tous les copains vont boire des coups, tout ça, toi, tu as entraînement le lendemain, machin. Enfin, c'est une succession de sacrifices de l'âge de on va dire, de 13 ans jusqu'à... jusqu'à 19 ans, quoi. Et c'est l'âge où on a envie de faire le plus de conneries, où on aspire le plus à la liberté, quoi. Donc, c'est phénoménal ce que ces gens-là donnent à leur passion, à leur sport. Et c'est vrai. Et les sportifs ont toujours une manière mesurée de juger les échecs, les victoires. Ils sont toujours beaucoup plus respectueux et tout ça. Et quand t'as un gros là, quand t'as un mec qui commence à être acide, à être venimeux, comme le gros Ménès, ou alors qui est tout flasque, tout, comment dire, comme Montel, là, qui fait de l'humanisme sur le sport, ça aussi, c'est pareil, c'est un comportement qui n'est pas du tout un comportement sportif. Donc, tu les repères tout de suite. Soit ils ont le verbe acide, là, ça te donne les Riolo, les Ménès, tout ça. Soit ils ont ils sont dans le prométissage, machin, l'union de l'humanité, bisous, tous, la farandole humaine. Et dans ce cas-là, ça c'est Bernard Montel et puis Jeannot Séguier, quoi. Enfin, mais tout ça, c'est vraiment la crevure qui pollue le sport, qui pourrit le sport. Et t'as tout à fait raison, c'est marketing. C'est eux qui marchent le mieux parce que tous les polios se reconnaissent là-dedans. Il suffit de voir le nombre de gens complètement fans de Daniel Riolo. Alors lui, bon, il rentre pas dans la catégorie des gros lards, mais c'est quelqu'un qui est insupportable. Enfin, il a une façon. Des fois, il dit des choses intéressantes parce qu'il est intelligent, mais si vous voulez, il a une façon de parler des sportifs avec un mépris, il envoie des mecs sur la touche, des types qui ont tout donné à leur sport juste parce qu'ils ont eu une blessure et tout, il en fait des espèces de sous-hommes qui n'auraient jamais mérité de vivre, et puis avec une facilité, une décomplexion, quoi. Et ce type-là a un nombre de fans incalculable, des gens qui le voient un peu comme un gourou, quoi. Alors que c'est, il n'y a rien, quoi. Enfin, je vous dis, de toute façon, c'est vraiment l'asile à ciel ouvert. Et le sport, c'est le cirque. Ça a toujours été. D'accord. Bon, les gars, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la prochaine. À la semaine prochaine.